Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, même avec de la bile devant les yeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis aussi avec Exer. Salut. Alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode et avant de le commencer, il y a une annonce à faire. Nous allons nous retrouver en décembre, alors autour du deuxième épisode de décembre, on va faire une soirée live Fin du Game où il y aura... notamment probablement une petite FAQ, Squeezie, voilà. Non, il n'y aura pas Squeezie. Alors, on a fait notre morceau de musique, nous aussi, on va le sortir, ne vous inquiétez pas. Non, il va donc avoir petite FAQ, on discute, on va aussi faire un petit bilan de l'année, voilà, 2021, est-ce que c'était une grande année pour le jeu vidéo? Eh bien non, on pourra également répondre à la question pourquoi il n'y a pas d'invité dans Fin du Game? Parce qu'on n'a pas le time, donc on pourra répondre à toutes ces questions que vous vous posez, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que nous allons annoncer la Blacklist 2.0. Ouh là là là là. Donc, 4 sélections de jeux, parmi lesquels vous allez pouvoir voter pour élire ceux qui rejoindront eh bien, le roster de la saison 5. Et oui, déjà. On voit déjà dans le futur. Autant vous dire, on a un peu revu aussi les trucs. Il y a oui, une petite surprise au niveau des sons. 2.0, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. Voilà. Des choses ont changé, je le dis. Et puis, on annoncera également le nouveau palier Patreon qui va venir se placer ici. Et bon, vous n'êtes pas prêts. Nous, on commence à peine à l'être. Ouais. Mais voilà, on peut vous dire que, comme on dit dans le jargon, Maxime... Exactement, voilà. Donc, si vous voulez savoir quand tout ça va se passer et où tout ça va se passer, eh bien, suivez-nous soit sur Twitter, soit sur le Discord. On vous tiendra au courant de, tout ces, de toutes ces choses-là. Donc voilà, si vous ne voulez pas louper ça, eh bien, voilà, watch it, be careful. Voilà, Stay tuned. Voilà, stay tuned, stay connected. Et puis surtout, bah, stay connected via Patreon. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, puisque bon, hein, bien évidemment, l'objectif c'est d'aller à ce palier. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Je ne vous embête pas avec ça. Par contre, je vous embête avec le sponsor de l'émission. Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais quand même. Mais là, un petit peu quand même. Ouais. On va vous parler. Donc il y a le livre de Marine Mac qui est arrivé donc, sur le concept art du jeu vidéo français. Donc bon, moi je suis pas forcément objectif parce que bah, je bosse déjà avec Marine donc sur Jour de Play avec Arte, donc voilà, moi je suis pas objectif, je sais que c'est quelqu'un de talentueux qui propose des trucs super intéressants et donc c'est le premier livre sur le concept art en France. Elle a vraiment fait là, elle a pu réunir plein de contacts dans le jeu vidéo français, donc il y a plein de gens. Il y a plein de studios vraiment diversifiés, il y a du triple A, il y a du jeu indé, il y a vraiment beaucoup de choses, enfin vraiment c'est très large. Mais dis-moi Jamy, oui. C'est quoi le concept art? Eh bien c'est, je pense, tout l'objet de ce livre, c'est d'exposer qu'est-ce que le concept art. Alors brièvement, hein, je ne voudrais pas, moi je suis pas un expert, comme Marine, mais il me semble que le concept art c'est finalement c'est ces dessins conceptuels. Tout à fait, ce sont ces artworks que vont créer les concept artistes qui vont permettre de définir un petit peu la direction artistique globale d'un jeu, définir son univers visuel, voilà. Oui, puis pour permettre de communiquer avec les autres gens, parce que quand nous on voit le jeu, on arrive à la fin, hein, évidemment, du process, mais les gens quand ils s'imaginent le jeu, ça se passe dans leur tête. Donc comment on fait pour transmettre cette vision? Et ben voilà, les concept artistes ont ce travail, cette responsabilité. Disons que c'est bien de se mettre d'avoir une vision un peu commune aussi. Je pense qu'il y a un côté un peu diapason pour que les gens se mettent d'accord. Genre à un moment, il y a peut-être des gens qui débarquent. Ah bon, c'est de la science-fiction. Ah oui, ok, j'étais pas sûr. Okay. D'accord. Ouais. Normalement, voilà, c'est censé ne pas arriver à ce point-là. Il me semble qu'on avait parlé justement de jeux. Est-ce que c'était pour Horizon? Bah justement, je sais que Marine, elle avait fait une vidéo sur Horizon. Alors c'est pas un jeu vidéo français, c'est pas dans le livre, mais c'est vrai que à un moment, il faut présenter à toutes les équipes, justement, donner cette vision. Et justement, le concept art va permettre d'éveiller un petit peu l'ensemble du studio. Ok, c'est ça le jeu, c'est à ça qu'on veut donner vie. Et voilà, c'est pour ça que c'est un truc super important, super intéressant. Et évidemment, on vous recommande là, le assez le exceptionnel, bouquin. Il faut le dire, hein, parce que mine de rien, ça fait partie des travaux qu'on peut éventuellement trouver, mais qui ne sont pas forcément mis dans le contexte, qui ne sont pas forcément expliqués. Donc voilà, ça, pour le coup, c'est vraiment un bouquin, on est trop fiers. Vois, on se tape sur le torse, quoi, voilà, Marine. On est fiers. Ouais. Par procuration, ouais, voilà. Ouais, donc, vraiment bravo. Donc voilà, gros livre chez Third qui je pense qu'il sera sorti quand l'épisode à peu a près. A priori, je crois que c'est à peu 18 près novembre, bon. Un truc comme c'est, ça. C'est donc voilà, il faut précommander. Voilà, précommander. Là, vous pouvez, vous aurez tout. Voilà, c'est patché, c'est nickel, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les zombies. Et oui. Et oui, puisqu'on va parler de Left 4 Dead. Maxime va évidemment nous sélectionner une musique issue de la bande originale bien du sûr, jeu. Bien sûr. Est-ce que tu as fait ton choix ? Je pense, oui, que ce sera une musique potentiellement finale d'un des meilleurs niveaux du jeu. De voilà. l'histoire du jeu vidéo, même, nous disait-il en off, hein, il faut le dire. Non. Non. Eh bien, c'est parfait, on se retrouve juste après ça. 1, 2, 3, 4... Alors, Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on va parler de ces deux jeux. Le premier, il est sorti le 17 novembre 2008, et le 2, il est sorti un an, pile poil après, le 17 novembre 2009. C'est sorti sur PC et Xbox 360, et oui, c'était l'époque. C'est publié par Valve, et c'est développé par Turtle Rock Studio. It's a turtle, real little rock. Oui, je disais que la pauvre tortue, elle va couler. Voilà, c'est tout ce que voilà, j'ai à dire. Voilà, c'était notre analyse du matin, voilà. Une tortue avec un... Ça aurait dû être Turtle... Tortoise Rock, voilà, moi je le dis, on débattra sur Discord. Voilà, ça c'est vraiment les bons débats qui commencent, donc c'est développé par ces gens-là, et on va revenir un petit peu, eh bien, sur leur histoire. À la base, c'est un groupe de développeurs qui travaillent chez Westwood Studio, un studio qui était connu notamment pour avoir travaillé sur Command & Conquer, Red Alert, tous ces jeux-là. Mais oui, les RTS, les grands voilà. RTS, puisque du coup Westwood, hein, c'est un peu les gens qui ont inventé le RTS, hein, parce que du coup ils travaillaient déjà à l'époque sur Dune 2, Battle for Arrakis, qui est un des premiers RTS de l'histoire, et voilà, Command & Conquer, un des grands souvenirs. Là, tu vois, j'ai le petit côté nostalgie. Il y a des moments, il y a des petits moments comme ça. Moi, j'ai très très bons souvenirs dessus, puisque ouais. mon papa y jouait donc sur sa Sega Saturn. Red Alert, c'était rigolo, tu sais, il ouais. y avait les films, c'était complètement décalé. Oui, le FMV, puis Kane quand même. Bah, dans voilà, le ça en a envoyé un petit peu du incroyable. Pâté quoi. Sur Sega Saturn. C'est vrai qu'on a, il y a une époque, on a testé le RTS sur console. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mon père jouait là-dessus. Je suis vraiment désolé pour vous d'ailleurs, parce que ça devait pas être le truc le plus drôle de l'univers. Il avait fini devant moi, devant mes yeux, et je passais très bonne soirée. Voilà, papa, je t'embrasse, même si tu ne m'écoutes pas. en général, ou tu veux en parler Non, je préfère pas en parler. Bref, pour revenir un petit peu au truc, voilà, chez Westwood, donc bah il y a un des membres du studio qui s'appelle Chris Ashton, qui bossait lui sur Counter-Strike, le mode. En fait, il était investi justement dans la scène du modding de Counter-Strike, puisque à l'époque, Counter-Strike, hein, c'était juste un mode de Half-Life, un mode fait amateur. La... C'est-à-dire vraiment, voilà, c'était pas un truc qui était vendu, c'était un jeu, enfin, on va dire, c'était un mode développé par des gens. Exactement. Et en fait, après, voilà, autour des années 2000, Valve vont faire, putain, c'est pas mal ce truc, est-ce que éventuellement on pourrait pas le ramener à l'intérieur ? Et ils vont donc acheter, eh bien, le mode, et ils vont contacter diverses personnes, les gens qui sont investis dessus, dont ce fameux Chris Ashton, et ils l'embauchent pour qu'il bosse, eh bien, sur CS, et puis il fera aussi des choses sur Team Fortress. Et donc, pendant ce temps, il y a d'autres personnes un petit peu qui étaient, ils étaient proches, hein, dans leur studio à Westwood, et Westwood, il se fait racheter par... Alors quoi, c'était peut-être déjà chez EA. Alors, je sais plus s'ils étaient déjà rachetés, ou en tout cas, ils étaient édités par EA, ça c'est sûr, voilà. C'est mais à un moment donné, EA vraiment rachète Westwood, et spoiler, ça va très mal se passer. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'évidemment, EA va avoir des exigences particulières pour l'évolution de la série Command & Conquer, et ça conviendra pas à tout le monde, et notamment donc à cette personne qui est Mike Booth, qui sera donc un des fondateurs. Et bah voilà, du coup ça se passe pas bien, ils ont envie de quitter le navire de Westwood, ils ont envie de se barrer, de se lancer en indépendant. Et oui, c'était aussi possible en 2003, on n'a pas attendu la première vague, il y avait déjà des gens qui se lancent en indé. Et du coup, bah, comme ils étaient toujours en contact avec le fameux Chris Ashton qui était chez Valve, bah, lui il leur dit bah, vous savez, Valve ils recherchent quand même des gens, du contenu sur CS, franchement si vous vous mettez dessus, que vous essayez de faire une propale intéressante, bah, peut-être que ça peut marcher, peut-être que Valve il peut vous financer. Et c'est ce qui va se passer, ils vont leur proposer bah, ce qui deviendra Condition Zero, qui est donc une autre version de Counter-Strike. Alors, c'est la version pas... entre le 1.6 et le Source, il a pas très bien marché Condition donc Zero. Ils ont proposé ça, alors Valve en était quand même content, hein, même si ça n'a pas très bien marché. Et du coup, bah, comme ça s'est très bien passé, la relation matchait bien, eh bien, ils ont aussi enchaîné sur Counter-Strike Source. Ce sera un des studios qui va bosser bah, vraiment sur cette nouvelle version qui sera celle qui va dominer pendant un petit moment sur Counter-Strike avant de passer à Go. Global Offensive, voilà, qui va vraiment bah, relancer en fait, hein, le succès de CS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bah, on rappelle, en fait, c'est un petit peu comme donc, Half-Life avec les mods et tout a vu naître Counter-Strike, a vu naître Team Fortress. Bah, Half-Life 2 avec le moteur Source a du coup aussi vu naître un Counter-Strike Source et Team Fortress 2. Team Fortress 2, c'était, je sais, avec Source, c'était, ouais, c'est possible. Si, je crois, ouais. J'ai un doute là d'un coup, mais tu me mets le doute aussi, ouais. Mais je pense que oui. Et il y avait le Deathmatch, effectivement, de Half-Life, du coup, le mode multi, ouais. Très bien. Et bah, du coup, bah, ils bossent bien, ça matche bien ensemble, mais ils ont quand même envie de, bah, de bosser sur leur propre bébé. Et puis surtout, Chris Ashton, lui, bah, il est chez Valve, mais il est à Seattle. Et en fait, c'est un fan de grosses voitures. Il a envie de retourner en Californie, où il était, hein, avec Westwood Studio, hein, puisque c'était vraiment la zone géographique dans laquelle ils étaient. Et du coup, il va les rejoindre. Ils vont refonder un studio ensemble, et c'est vraiment là que Turtle Rock va commencer à bosser. Ils vont d'abord bosser sur une espèce de jeu de combat, parce qu'ils voulaient aller un peu sur le marché des consoles et tout, mais ça va pas très très bien se passer le développement. Mais pendant eh bien, leur petite pause, ils jouent à CS, parce que bon, même s'ils ont taffé dessus, bah, c'est aussi des gros fans de CS, et ils se rendent compte que bah, dans cette situation d'adversité, parce que bon, on le rappelle, Counter-Strike, hein, c'est un jeu compétitif, bon, c'était un peu tard maintenant pour le faire, mais c'était un jeu compétitif où voilà, des alors, terroristes... Pong, comment ça se passe? De raquettes, voilà. Et donc forcément, ils se mettaient un peu sur la gueule et bah, ça créait pas forcément la meilleure des ambiances au sein du studio. Et ils se disent bah, comment on pourrait faire pour avoir vraiment une partie en multi, passer nos pauses à jouer ensemble, mais qu'on ait le même but, qu'on soit vraiment en coopération. Qu'on joue ensemble et non pas les uns contre les autres. Exactement. Et c'est le pouvoir de l'amitié. Mais toujours dans une logique de faut tirer sur des trucs. Oui, non mais bon, c'est le pouvoir de l'amitié. Américain, voilà, tu vois, c'est ça, comme... à l'américaine, voilà. Et eh bien, donc l'équipe se met à bosser sur une espèce de mode où en fait, au lieu de mettre bah, des terroristes et de les armer normalement, ils leur donnent juste un couteau et ils les multiplient, ce qui crée bah, plein de terroristes avec des couteaux qui sont finalement faciles à tuer, mais qui en grand nombre bah, créent une dynamique intéressante. Et ils se rendent compte que bah, c'est super fun à jouer. Et là, direct, bah, y a un designer visuel qui commence à aller grimer en zombie, à changer un peu la colorimétrie du jeu pour la faire passer un peu au vert. Un peu nuit, et ça donne tout de suite un truc un peu plus bah, ambiance film de zombies. Ils appellent ce jeu Terror, littéralement, et c'est un truc auquel ils jouent comme ça. Et puis, comme leur jeu de combat bah, se passe pas très bien, et qu'ils n'arrivent pas vraiment à débloquer de trucs sur le développement, ils se disent, bon bah, pourquoi on n'essaierait pas de faire vivre ce jeu, d'en faire un jeu complet, et ils le présentent à Valve, et bah, Valve va tout de suite adhérer, ils vont faire une démo qui est vraiment dégueulasse, pas polish du tout, c'est encore les zombies, c'est encore les terroristes qui ont juste de la texture, les villes, ils créent, je crois, un des premiers niveaux de la ville, comment ça s'appelle, Max Non merci. Voilà, c'est ça, donc ce niveau-là, ils commencent à le faire, mais vraiment en ce qu'on appelle en bloc mesh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de texture, c'est juste vraiment oui, c'est des barrières gris. Ouais. Exactement, ils créent ça et même là Valve ils kiffent tout de suite, ils disent ok c'est super fun à jouer, limite Gabe il dit je veux qu'on le sorte maintenant comme ça, mais eux à Turtle Rock ils se disent attends, on peut le polish, on peut en faire vraiment quelque chose de bien mieux, en faire un vrai jeu, et du coup Valve leur dit bah ok ça marche, je vais vous financer le jeu, et ils mettent des billes dedans, et c'est comme ça vraiment que le développement de Left 4 Dead va se débloquer. En 2008, un peu avant la sortie du jeu, eh bien Valve va terminer, ils vont acheter complètement Turtle Rock, qui deviendra Valve South like, you know, the south, because it's... c'est pas du tout au sud. Mais bah si, ouais, parce qu'ils sont au sud de Seattle. Oui, c'est ouais, vrai. C'est exactement comme avec Blizzard. Hein, ils se prennent pas la tête. Irvine, puis t'avais les mecs à Blizzard North, ils étaient au nord. Voilà. Très bien. Des fois, c'est simple. C'est simple. Ouais. Des fois, c'est simple. Simple et basique. Et bah, du coup, ils achètent le truc et ils sortent le jeu donc le 17 novembre 2008. Et eh bien, c'est tout de suite un succès, hein, tout simplement. Hein. C'est assez marrant parce que je me disais en voyant le documentaire, parce que tout ça, je l'ai appris donc dans un documentaire qui était l'histoire du Turtle Rock, c'est que en fait, Left 4 Dead, même en mode dégueulasse, c'était déjà fun. Et ça, c'est assez contradictoire par rapport à beaucoup de choses qu'on a pu dire dans l'émission. On dit souvent que, eh bien voilà, les jeux vidéo, c'est vraiment à la fin, quand tout est là, quand tout le visuel, le sound design, quand tout est fait, que ça y est, ça prend forme, on se dit, ok, on tient quelque chose. Je sais que, je sais pas, les jeux Naughty Dog, c'est vraiment comme ça, ils jouent ça un peu sur les 6 derniers mois en se disant, ok, ça va être bon. On avait parlé de Prey aussi, où c'était vraiment le dernier. Ouais, on avait parlé de Firewatch aussi, où ils avaient dû créer la Vertical Sky, ça avait été compliqué. Alors, ça arrive, hein, des fois qu'il y a des jeux où vraiment le proto est déjà très fun, là, on sent qu'il y a une bonne mécanique de gameplay, mais ils ont du mal à construire un truc autour. Et là, eux, en fait, ils avaient vraiment tout, en fait, dès le début, qui était là et qui marchait. Bah, ils partaient quand même de source, donc j'imagine que c'était les armes et le feeling de source et Left 4 Dead. Alors, ils vont faire des trucs de leur côté, hein, évidemment, mais ça reste quand même la même colonne vertébrale. Bah, disons que ça avait été éprouvé. Hein, à cette époque-là, Counter et Half-Life, ça faisait un petit bout de temps que les gens y jouaient. Hein. Ouais, ils ont pu se reposer sur des choses déjà existantes, mais c'est vrai que voilà, c'est assez rare d'arriver avec un proto qui est dégueulasse et dire, ok, ça fonctionne vraiment ouf. Et en fait, bah, le taf, c'était juste de donner vie à tout ça, donc bah, visuellement, trouver une direction artistique et tout, et on reviendra un peu dessus, mais aussi eh ben, trouver de la place pour les zombies. Il y a ces fameux zombies spéciaux qui ont été intégrés pour complimenter un petit peu tous les autres zombies de base. Et là aussi, il y a eu beaucoup de playtests. Il y a quelques zombies spéciaux qui vont finir dans le jeu final, mais il y en a certaines versions qui ont été jetées parce que c'était pas équilibré. Il y a notamment un zombie qu'ils avaient appelé le Screamer, qui était là pour hurler et appeler plein de zombies, et en fait il se tirait, il allait se cacher, mais le problème c'est que la plupart des joueurs ne comprenaient pas ce qui s'était passé, ils voyaient juste la vague et ils comprenaient pas en fait qu'il y en avait un qui était planqué et que c'était de sa faute. Donc il y a des choses comme ça qui marchaient pas et que les playtests ont permis d'épurer. Et c'est intéressant, j'y pense que maintenant on en reparlera un petit peu plus en détail, on parlera de Back 4 Blood, mais dans Back 4 Blood il y a un zombie qui est comme ça, et en fait il a une espèce de grosse bulle rouge et il va pas du tout se cacher, il va vers toi en fait et il arpente un peu les rues, et si tu tires pas dessus, il fait rien, mais si tu tires dessus, là il se met à gueuler, donc c'est beaucoup plus compréhensible. Peut-être un reliquat de peut-être. Hein, très probablement, on aura l'occasion de toute façon d'en parler un petit peu de Back 4 Blood. En tout cas, le 1 vraiment, il fonctionne très bien, et si tant est si bien qu'en fait, quand ils annoncent le 2, quelques mois après, à l'époque, alors, il y a eu une petite levée de bouclier parce que ben, forcément, le jeu, le 2, est annoncé un an après. C'est pas un DLC, c'est vraiment une fuite, il fallait le racheter. Moi, je me souviens quand même qu'à l'époque, ça avait râlé un petit peu. Ouais, hein, ça avait un petit peu gueulé, moi, je forcément. Je jouais au multi du 1, par exemple, et il y avait une pétition, il y a des gens qui disaient venez signer la pétition, machin et tout. Parce que, en fait, ça embête quand surtout. Quand il y a une pétition, ça veut dire que c'est ça. Oui, ça veut dire qu'il devait y avoir au moins 20 personnes. Non, en vrai, j'en sais rien, mais en fait, c'est évidemment les personnes les plus, entre guillemets, impliquées ou qui sont plus les mêmes à se plaindre, en fait, les plus frustrés, c'est les gens qui jouent en multi, puisqu'en général, une suite, ça veut dire que la plupart des gens vont passer en multi, et si tu veux continuer à jouer en multi et être un peu à la page, t'es un peu entre guillemets obligé de l'acheter, quoi. Sachant qu'ils avaient fait quand même au niveau business, il y avait des packs, des choses comme ça où justement on pouvait l'acheter à 4, genre le 2, et ça réduisait le prix. C'est vachement sympa d'ailleurs pour le c'est ça, pour la sortie du 2 sur Steam, t'avais un pack à 4, et ça a été un truc qui a été repris d'ailleurs par tout un tas de jeux depuis, quoi. Bon, au final, ça s'est quand même très bien passé pour Left 4 Dead 2. Le jeu s'est aussi très bien vendu. En 2011, donc, ils sont à un peu plus de 11 millions de ventes en tout. Donc ça se passe très très bien. Sur Metacritic, on l'a pas dit encore, c'est vrai, ça, on a oublié le petit point. Le point Metacritic, on est à 89. C'est nul. Mais non, cette émission, tout ce qui est en dessous de 90, c'est en dessous de 95, de toute façon, franchement, les jeux, est-ce qu'on en parle? Non, je pense pas qu'il y ait besoin. Est-ce qu'ils font partie du paysage vidéoludique? Je ne crois pas. Non, mais 89, ouais, bon score, très très bon score. Non, mais c'est ça, bon, de toute façon, c'est juste une note, on s'en fout, on va pas. C'est juste que pour expliquer que voilà, j'aimerais le jeu. Qu'on débatte. Non, ça va aller, merci. Vraiment, bonne réception du jeu et bah, voilà, une communauté en tout cas qui est à la fois sur console et sur PC, qui joue beaucoup au jeu parce qu'il a une bonne rejouabilité, et ça, on va expliquer exactement pourquoi, parce que c'est un des trucs qui fait justement la force de Left 4 Dead. Mais avant, nous allons avoir Maxime qui va nous parler de l'histoire. Non, juste terminer. En fait, le jeu a aussi beaucoup de prix et notamment de meilleures expériences coop. Oui. Il y a plein de magazines. Enfin, c'est vrai que le jeu, quand il sort, il propose une expérience qui tout de suite arrive à fédérer les gens et surtout se place comme le top du top en fait de la coop. Et on va évidemment. Qui est un mode qui n'était pas non plus. Enfin, en fait, la coopération, on a toujours plus ou moins eu dans les jeux vidéo, des jeux où on pouvait jouer à deux, etc. Mais là, c'est vrai que bon, à cette époque-là, des trucs de couch coop, c'est plus du tout la mode puisque on est dans le full online, il faut jouer en ligne, etc. Ouais, en fait, alors justement sur 360, il y avait un mode écran splitté pour pouvoir jouer en couch. Ça avait été intégré et justement, c'est possible apparemment aussi sur PC, mais il faut bidouiller des trucs dans l'ordinateur. Oui, ça doit être bazar, ça doit être le bazar à mon avis de mais jouer. C'était prévu quand même pour faire du couch. Mais tu vois, je pense que c'est logique quand même sur une console où il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude justement de jouer à deux. Je me souviens, moi, sur Xbox 360, c'était Gears of War, Halo, les Borderlands, enfin il y a plein de jeux où moi j'ai pu faire en coop sur la Xbox 360, donc voilà, Left 4 Dead en faisait partie et poussait vraiment le niveau avec tout son concept. Mais du coup, on peut y aller, l'histoire, et c'est Maxime, parce qu'il faut le dire, c'est lui, notre expert Left 4 Dead au sein de cet épisode. Ah bah là, plus de 1500 heures dans chaque bras. Mais quelle histoire combien de temps est-ce qu'on va faire? 30 secondes, une minute, on va voir. Mais bref, ça commence. De toute façon, l'histoire elle est expéditive. C'est l'apocalypse zombie. On s'en fout d'où ça vient. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas vraiment qui est qui. On est en plein dedans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est quatre. On va devoir s'échapper malgré les hordes de zombies qui nous poursuivent. Chaque chapitre va se passer dans un lieu différent. Il y aura une petite thématique. Donc là, sachant que je mélange le 1 et le 2 parce que c'est exactement la même recette. On peut être dans un hôpital, un aéroport, une fête foraine, un centre commercial. Il y a plein d'endroits différents. En général, ça respecte un petit peu la même structure. C'est qu'on va commencer à l'extérieur. Par exemple, l'hôpital, au début, on est dans la ville, comme tu le disais. Ensuite, on va passer par le métro, ensuite par les égouts. Et c'est ensuite qu'on arrivera à l'hôpital. C'est un petit peu toujours ça. Et à la fin, on va en général soit débloquer un véhicule ou appeler des secours. Et on va tenir notre position, stand our ground. Et après, les hordes de zombies, de tanks, on reviendra en détail là-dessus sur qui sont ces gros méchants, et on va s'échapper. Et ça fera la transition en général avec le chapitre d'après, où on voit que il y a eu une merde, l'avion qu'on a pris s'est écrasé. Il n'y avait plus d'essence. Voilà, c'est ça. On arrive, l'autoroute elle est bloquée, du coup, il va falloir finir à pied. Voilà, c'est toujours un petit peu. Chaque jeu, c'est 4 ou 5 campagnes, hein, c'est ça? Y en a qui ont été rajoutés. Ouais. Après, le premier c'était 4 et le 2, je crois qu'il a commencé avec 4 et il y a eu des rajouts, en fait, des extensions. Et en général, le dernier chapitre, c'était un peu une vraie fin, ou en tout cas, il n'y a plus de transition ou quoi. T'es vraiment sauvé. En général, à la fin du 1, par exemple, c'est les militaires, tu vois, qui viennent te chercher dans leur tank blindé. Donc tu sens que t'as rejoint un abri, quoi. Sachant que le 1 se passait plutôt, c'était pas un truc genre Washington, c'était un peu une ville Je sais pas du tout. Parce que je sais que le 2, par contre, se passe un peu en Louisiane. Oui. Et du coup, il y a toute une inspiration comme ça sur le bayou et tout qui vient s'apposer comme la direction. Oui. Le concept art, on en parlait en intro, qui vient donner vraiment une identité au jeu. Ouais, il y a une zone du 2, où c'est le bayou, et t'as une maison coloniale, très grande et tout. Mais les deux se croisent. Et d'ailleurs, on va pas rentrer en détail, mais il y a un moment où ceux du 2 croisent ceux du 1. Ah, et ceux du 1, parce que Bill est mort, le personnage avec son béret, le vétéran du Vietnam, il s'est sacrifié, mais les détails en vrai sont pas si intéressants. Parce que finalement, c'est un jeu où la narration elle est assez en retrait. Il n'y a aucune cinématique. Il y a une cinématique d'intro au début, mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Les dialogues sont assez en retrait. Il y a juste quelques phases, parfois en ascenseur ou quoi, où ça va parler, mais c'est aussi histoire de laisser de respirer entre deux moments de tension, potentiellement charger le niveau, je ne sais pas. Mais c'est aussi une des réussites du jeu, je pense, c'est qu'il sait rester en retrait, il sait laisser la place au jeu. Et ce qu'ils ont quand même fait, ce qui donne une petite identité au jeu, c'est ce côté un peu film de série B assez assumé. Chaque chapitre, il a son petit poster. Tu vois, le No Merci, il y a une petite engine, il y a une petite punchline en dessous. Ils ont tous une pose un peu avec leur gros fusil, on est accroupi, machin. Et à la fin, t'as le petit générique du film avec les stats. Et t'as la petite phrase genre tant de zombies ont été blessés durant le tournage. Il y a un peu un côté avec mille guillemets quatrième mur, dire, même si c'est absolument pas conscient. Et même, il y a un grain filmique sur le. Enfin, je sais que sur le 2, tu peux le gérer. Donc, il y avait quand même cette enrobage là cinéma qui voulait mais qui se prend pas trop au sérieux non. Du coup ça donne un lien qui est assez intéressant. Alors la dernière fois on parlait de Vanquish, on disait que là l'histoire c'était vraiment, en fait quand t'avais les cinématiques tu la subissais et tout mais c'était pas important, là c'est pas important mais on ne le subit pas, c'est à dire que c'est vraiment plus quelque chose qui vient en bonus bien envelopper le jeu et puis voilà. Oui, de toute façon la force de la narration de Left 4 Dead c'est pas ce qu'il nous raconte, c'est ce qu'on va vivre. Oui, et dans les safe rooms, t'as aussi évidemment les petits, c'était un peu connu à l'époque, oui, les petits dialogues, les petites inscriptions sur les murs, les tags avec et tout, et qui peuvent donner un peu de lore, mais si tu t'en fous, tu sors et tu te barres. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Et un truc qu'on peut dire, c'est que ben, contrairement à des jeux peut-être plus récents, nos personnages en fait sont identiques. C'est-à-dire que peu importe le personnage qu'on va incarner, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de classe de personnage ou quoi que ce soit. Donc peu importe en fait qui on joue, qui on se retrouve, on peut lancer une partie et que tu joues tel perso ou tel autre perso, ça change rien, tu vas faire la même chose. Et du coup, sinon, on peut un petit peu contextualiser le jeu et se poser la question. Bon, c'est un jeu de zombies en 2008. On peut parler des zombies. Est-ce qu'on est à la première vague des zombies, la deuxième vague? Non, mais je pense qu'il y a tout un. On va pas étudier l'image des zombies dans le cinéma, le jeu vidéo, mais on peut. Je pense qu'on est un peu un certain sommet d'une vague. Je pense qu'il y a un peu une reprise dans les années 2000 du zombie. D'ailleurs, une des inspirations, c'était 28 jours plus tard, qui est sorti en 2003 ou 2005. Je sais plus exactement. Les zombies, on va reparler en détail après. Ils s'en inspirent pas mal sur le côté zombie très rapide. En fait, qui sprint. On a eu Dead Rising en 2006, le mode zombie de Call of Duty, c'est à partir de 2008, donc la même année, la même période. C'est 6 jours d'intervalle, lui il sort le 17 novembre et Call of c'est le 11 novembre que sort le World at War où il y avait le fameux mode zombie, alors qu'il fonctionnait pas pareil, hein, c'était pas, on progressait pas du tout. Non, on est plus face à un mode horde en fait, qui est repris. C'est même limite du Tower Defense. Ça reprend la horde FPS, de un peu de comme Gears, Killing Floor aussi. Oui, ou Killing Floor. T'as la série Walking Dead en 2010, et le comics d'ailleurs en France à partir de 2007, je crois, donc on est vraiment en pleine période Walking Dead aussi. Il y a le DLC de Red Dead Redemption avec des zombies en 2010, Dead Island en 2011, le jeu Walking Dead en 2012, et on va pas tous les faire, mais en 2013 il y a évidemment The Last of Us, et il y a aussi DayZ quand même qu'on peut mentionner. Mais en fait ce qui est rigolo c'est que les zombies ça plus ou moins toujours été là. En fait, c'est plus un flux continu. En fait, c'est un truc qui revient de temps en temps et qui remonte. Alors, c'est clair que Walking Dead, la série télé, quand c'est sorti, ça a remis une pièce dans la machine en format vénère, mais en jeu vidéo, ça fonctionnait déjà très bien, parce qu'on a eu des tonnes. Enfin, Resident Evil, évidemment, c'est un des premiers trucs auxquels on va en penser, mais c'est les zombies, voilà, tout lent, les zombies de House of the Dead, ou qui vont avancer en faisant brain, comme ça. Mais là, vraiment, ils avaient ce truc. Côté tactique, survie, alors que, bon, là, oui, il faut survivre aussi. Mais c'est pas du tout la même survie que dans... C'est pas la survie méthodique, je regarde le zombie, on n'est pas dans du survival dans le sens où on n'a pas des ressources limitées. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention à ses munitions et tout, mais le jeu est quand même assez généreux de ce côté-là. Là, on est plus... Il faut survivre aux vagues, en fait. C'est plus ça qui est intéressant. Bah, et on va vraiment jouer avec les zombies, en fait. Il n'y a qu'à regarder la cinématique d'intro de Left 4 Dead 1. C'est fun, tu vois. Il y a de la musique, ils prennent des poses un petit peu stylées. Il y a le côté de la pipe bombe, tu sais, où il va jeter la bombe artisanale, tous les zombies qui s'agglutinent autour, ils explosent et tu dis ouais, c'est cool quand même, tu vois. Il y a un côté très arcade dans le jeu. Et justement, comme tu l'as dit, on va jouer avec les zombies. C'est vraiment ça, Left 4 Dead. En fait, les vrais héros, c'est les zombies. Non, je vais peut-être pas. Non, je vais arrêter avec les formules à deux balles. Les pirouettes de rappeurs des années 2000, t'sais. Les vrais héros, c'est les zombies. Que tu croyais quoi? Non, mais bon, blague à part, c'est vrai que, en fait, c'est ça. Quand on joue à Left 4 Dead, très rapidement, on va se comprendre. Les règles du jeu, elles sont instantanément comprises. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue à 4, il faut aller du point A au point B, ou il faut éventuellement, des fois, il y a des missions un petit peu particulières, mais il faut survivre. Et il faut aller d'une safe room à une autre safe room. Et entre-temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des vagues de zombies, et il va y avoir différents types de zombies avec des règles particulières qui vont pimenter, en fait, chacune de nos séquences. Et je vais évidemment passer le micro à notre ami Max, qui est notre expert. Notre expert zombie. Expert zombie. Zombie-log. Eh bien, il y a les infectés spéciaux qu'on connaît bien. Il y a donc le smoker qui est le zombie qui a sa grosse langue qui peut nous tirer un survivant à lui. Il y a le hunter qui va sauter sur un survivant et le paralyser. Et il y a le boomer qui peut nous vomir dessus et on devient aveugle. Il y a le Pascal Brogien qui nous vomit dessus et les survivants ne voient quasiment plus rien. On va revenir un petit peu en détail plus tard sur un petit peu ce que ça veut dire concrètement ne rien voir et ce que ça implique, et qui attire toute une horde de zombies. On va pas tous les faire non plus, parce que le 2 va apporter son lot de nouveaux zombies, mais ils ont chacun un petit peu leur petit élément de gameplay qui en général nous isole, nous déplace ou va foutre un petit peu la merde. Mais il y en a pas non plus 40 000. Hein. Non, ouais, c'est pas ça, des Pokémon. Hein, ouais, merci, ça fait plaisir. Mais voilà, les règles sont quand même assez simples à comprendre, mais par contre c'est ça. C'est-à-dire que l'idée des zombies spéciaux, c'est de foutre le bazar un petit peu dans les oui, groupes. Parce que le flux de base de zombies vraiment normaux, c'est vraiment une horde comme ça qui se dessine et c'est le nombre qui fait l'intérêt finalement. Donc on tire vraiment dans le tas, c'est comme une espèce de grosse éponge qui va nous forcer à vider nos chargeurs, à rester à peu près groupés et à nous aussi nous pousser, nous faire avancer. Hein. C'est vraiment une horde qui nous entoure et qui va nous accompagner finalement tout au long du jeu. Et après, les zombies spéciaux, c'est le jeu qui va hop les faire popper pour justement créer un peu de la distorsion au milieu de tout ça et continuer à créer de la dynamique, etc. Et il y a les infectés très spéciaux, on va dire, où là... c'est qu'ils sont popés aléatoirement. En général, t'en as que un, voire deux par niveau. Mis à part les phases finales, il y a la Witch, qui est cette espèce de zombie femme avec des grosses griffes qui pleure. Et t'as une petite musique assez emblématique autour d'elle. Ça fait un petit peu peur. D'ailleurs, dès la cinématique d'intro, tu comprends. En fait, c'est un truc dangereux, tu vois, qu'il faut faire gaffe, qui peut te one-shot. Hein, en gros, si tu la réveilles, tu peux passer discrètement à côté. Et tu vois le tank où là, c'est un petit peu l'inverse. C'est le gros bourrin qui arrive avec ses grosses trompettes, sa grosse musique derrière. Il y a la fanfare qui annonce le tank et qui peut taper dans les voies. Les balancer sur toi, jeter des cailloux, truc énorme qu'il va falloir défoncer à 4. Qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts avant de enfin passer à trépas. Enfin, à nouveau, parce que du coup, il est mort, vivant. Voilà, oui, il remeure. Je suis au taquet aujourd'hui. Je pense que c'est le café. Je pense qu'il y a eu un truc. Le deuxième café était peut-être en trop. Hein, ouais, je le sens. En tout cas, le jeu, donc, il va nous pousser en fait à coopérer. C'est vraiment ça. Donc, l'objectif de survie, le postulat de base du jeu, c'est que comme on doit survivre ensemble, on va devoir coopérer ensemble. Et le jeu pensé pour justement nous faire travailler et nous faire jouer ensemble. On n'est pas du tout dans un jeu qui va forcément que récompenser les exploits personnels. Il faut qu'on pense à jouer en groupe, à communiquer. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas effectivement quelque chose qu'on croisait beaucoup. On a beaucoup de jeux, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant la genèse de Left 4 Dead. On avait beaucoup de jeux compétitifs. C'est la grande époque. Enfin, Call of Duty Modern Warfare est déjà sorti. Donc, on est vraiment dans cette époque, Counter, etc. Et là, ils arrivent avec une proposition qui est très différente. Et c'est ça, en fait, qui rend Left 4 Dead intéressant quand on y joue. Bah effectivement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Déjà, il y a cette visibilité comme ça des alliés, mais aussi des zombies qui est dès qu'il y a un allié qui est pris par une des bestioles là qui se met dessus. Alors moi, les noms, j'avoue, je les ai pas retenus. Je retiens tous les Pokémon, mais les zombies, j'ai pas leur nom. On le voit, il y a cette espèce de surbrillance, donc on va pouvoir voir à travers les décors, donc ce qui va nous encourager à nous aider. Le fait aussi que quand t'es bloqué par un ennemi, bah forcément, tu es tout seul, tu peux pas te défendre, donc tu as besoin des autres pour t'aider. Il y a aussi les soins, on va trouver notamment des packs de soins. Alors on peut se soigner soi-même, mais on peut aussi soigner les autres. Et comme tu peux pas te passer des objets, il y a pas cette mécanique là, tu vas devoir parfois soigner les autres. Oui, il faut que tu sois physiquement à côté d'eux en fait. Tu peux passer les pilules en fait. Mais il faut que tu sois quand même à proximité. Effectivement, le pack de soins, ça, tu dois soigner l'autre qui doit rester immobile. Donc il y a un petit côté, bouge pas, attends, je vais te soigner. Donc t'as ça à mettre en place. Un truc qui est intéressant sur la façon que le jeu a de gérer la coopération, c'est que à l'époque, donc on est sur PC ou sur Xbox, on a la possibilité d'avoir un petit casque micro. Vous vous souvenez de ces fameux petits casques micro Xbox 360. Voilà, c'est les 20 ans de la Xbox en ce moment. Alors on peut y aller un petit peu, la nostalgie, les souvenirs. Et le jeu, en fait, lui, il va gérer ça d'une manière assez intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de petite roue de dialogue où, comme ça arrivera plus tard avec Apex Legends, notamment un système de ping où on va pouvoir pointer un endroit et prévenir les autres joueurs qu'il se passe un truc. Là, c'est les personnages qu'on incarne qui vont avoir des voice lines automatisées en fonction du contexte. C'est-à-dire que quand on va regarder un pack de soins, en général, notre personnage va dire « Hey, il y a un pack de soins ici !» Quand il va avoir des pilules, quand il va avoir des armes, quand quelqu'un va repérer un smoker ou un hunter, en général, ils vont dire « Hunter !» Ils vont gueuler comme ça. Et ça permet, en fait, sans que nous, on communique en tant que joueurs, joueuses, de quand même nous garder ancrés dans la coop et de savoir ce qui est en train de se passer. Alors, il y a une roue de dialogue, hein, mais elle est très simple. En fait, tu peux juste dire genre oui, non, est-ce que vous êtes prêts? Merci. Tu peux rigoler, tu peux dire merci. Mais effectivement, c'est pas contextualiser à l'endroit où tu regardes. En fait, c'est pour ça que c'est assez limité. Tu peux pas dire, comme tu l'as dit, boomer là-bas, faites attention là-bas. Alors que c'est l'endroit qui est important parce que t'es constamment en mouvement. C'est donc, elle est très limitée en fait. Elle sert pas à énormément de choses. Et oui, il y a un truc que j'avais oublié que je voulais dire, c'est par rapport aux soins. Il y a aussi dans lui, c'est intéressant. Tu vois la vie de tes alliés. Ouais, tu ouais, vois tout où tout ils en fait. Sont. Oui. Donc si tu sais s'ils sont low, voilà, tu sais à qui tu dois donner du soin ou pas. Et ce qui était intéressant aussi sur les silhouettes, en fait, quand tu vois vraiment, comme tu disais, un zombie sur un de tes alliés, tu sais que tu dois l'aider. T'as d'ailleurs des voice lines aussi qui vont avec. Hein. Il crie quand il y a, ouais. Il dit s'il y a un hunter sur lui, un smoker ouais. sur lui. Il dit quand il entend un hunter, un smoker, il le dit. Donc tu peux être un petit peu prêt. Et tu as beaucoup de murs à travers lesquels tu peux tirer. En fait, ça t'aide à tirer à travers un mur s'il y a un hunter qui est sur ton allié. Et autre chose importante à dire, c'est que l'IA, alors ça paraît évident, hein, mais c'est toujours important de le dire, l'IA ne peut pas faire spawn 4 hunters ou 3 hunters, un smoker, puisque comme on l'a dit, ça nous paralyse. Hein. On peut pas quand un hunter est sur nous ou un smoker nous a chopé, on peut rien faire. Alors smoker, t'as une petite fenêtre où tu peux éventuellement lui tirer dessus, mais c'est assez compliqué, tu peux pas compter que sur toi. Et donc les 4 ne peuvent pas se retrouver paralysés par un ennemi. Sinon ce serait c'est vraiment le jeu qui te one shot, game over. C'est le côté où le jeu il a décidé que tu perds, et donc là en fait ils évitent ce système là. C'est intéressant parce que ça rappelle toujours que c'est bien les développeurs qui décident que s'ils veulent rendre un jeu très difficile, ils le peuvent, tu vois. C'est-à-dire que si on commence à sortir des règles pétées comme ça, et ben là, je vois des petits haussements de sourcils, mais je ne vais pas réagir. Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est facile de faire. Si on veut, on peut vraiment péter le jeu. Les designers, ils peuvent faire, ouais, on vous tue. Donc, il y a vraiment cette idée quand même de toujours créer un équilibre pour que ça reste fun et qu'il y ait toujours encore des solutions. Sinon, c'est effectivement pas très intéressant. Bah, déjà, t'as des modes de difficulté hein, où tu vas recevoir plus ou moins de dégâts en fonction de ça, mais il y a évidemment le jeu va agir avec d'autres leviers que ça, une fois que même t'es au sein d'un mode de difficulté. Donc comme tu l'as dit, il y a un équilibre en fait où il y a toutes ces mécaniques qu'on vient de l'expliquer de coop, et évidemment il faut créer de l'enjeu, il faut créer de l'adversité, puisque la coop c'est tiré dans la même direction. Oui, c'est ça. Oh, putain, mais l'épisode des proverbes, quoi, des expressions. Un truc qu'on n'a pas dit et qui est intéressant dans le gameplay de Left 4 Dead, c'est qu'il y a du tir allié, donc il faut faire attention aussi. Et en fait la violence du tir allié est liée justement au choix du mode de difficulté. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir jouer avec une certaine difficulté, plus il va falloir gaffe parce que vous allez pouvoir vraiment blesser vos collègues, et il va donc falloir se prévenir, faire attention à pas se retrouver dans une ligne de tir d'un collègue, etc. Et ça force d'aller encore plus loin, n'est-ce pas Hugo, justement dans la coop, d'aller un peu au stade d'après, parce que souvent dans les jeux on n'a pas à penser à ça, on doit juste penser aux ennemis. Là il faut penser à ses copains aussi. Et puis surtout que c'est souvent, je trouve que le jeu il arrive à créer un peu des situations de chaos. En tout cas moi, à mon échelle de joueur qui n'avait pas forcément toute la lisibilité sur le truc, je me souviens de la séquence, on était dans une espèce de métro comme ça, et tu sais, tu vois pas très bien parce que c'est un peu sombre, il y a beaucoup de zombies, il faut voir passer des machins, donc moi je tirais un peu dans le tas. Clairement, je pense qu'il y a eu des bastos qui ont été prises dans les miches de certaines personnes. Il y a des screenshots qui traînent sur le Discord, il faut le dire. Il y a aussi un petit truc coop qui est intéressant, c'est que t'as un petit message qui s'affiche quand t'as aidé un allié, quand t'as tiré sur un zombie qui était sur le point de le taper. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de score ou quoi. C'est une petite récompense quand même pour te mettre dans le mood du jeu en fait. T'as d'ailleurs un son, t'as un petit tit-tit qui te signale que t'as fait un truc de bien. Alors ça servira, on va en reparler très bientôt, du niveau de skill. C'est peut-être aussi quand tu aides beaucoup d'alliés, ça t'aide à ce niveau-là. Mais du coup, on le disait, c'est l'équilibre entre la coop qu'on vient de dire et Footless Bowl. Alors comment est-ce que le jeu Footless Bowl, en fait, dans les niveaux, il y a toujours... alors pas chaque chapitre, mais très souvent il y a un moment où on va faire du bruit, c'est-à-dire qu'on va activer un monte charge, on va activer une porte coulissante qui va faire un bruit pas croyable, activer un générateur ou quoi, et là c'est le moment où le jeu te fait comprendre attention, ça va faire du bruit, ça va attirer une horde, ça va mettre un petit peu de temps, donc il va falloir rester sur place pendant 1, 2, 3 minutes, le temps que le passage se libère. Et parfois t'as des indices subtils à base de bidons d'essence éparpillés un peu partout ou carrément une mitrailleuse lourde qui est posée, qui va te faire comprendre que bon, c'est à peu près dans ces zones-là, vous pouvez rester ici si vous voulez. Après on peut choisir, on en reparlera après, mais c'est ça qui est intéressant avec le jeu, c'est que tu peux choisir d'autres spots en fait, tu peux te mettre à élaborer des stratégies où tu vas dire bah non, finalement on va plutôt défendre là-bas. Mais bref, le jeu va créer ces moments-là où va falloir se manier. On l'a déjà dit, mais en général, les finales, c'est aussi du stand pendant bien 5 minutes et ça va alterner entre horde, tank, et va falloir gérer tout ça. Il y a évidemment le moment du pont, on a genre 10 minutes pour traverser tout un pont, donc il va créer ces accélérations-là. Il y a les infectés spéciaux, à un moment, un smoker va nous choper, va falloir être un minimum coordonné en équipe pour savoir que Bobby s'est fait choper là-bas, il faut l'aider. et le boomer, en fait, c'est là qu'il a un rôle intéressant, puisque comme on le disait, on voit nos alliés à travers les murs, on voit quand ils se font choper, mais pas si un boomer t'a vomi dessus, parce que, et pour deux raisons. La première, c'est que bah, ça se désactive dans lui, c'est-à-dire que tu ne vois plus les silhouettes de tes alliés, tu ne vois plus les silhouettes du hunter qui est sur ton allié, donc il peut être en train de se faire dévorer, tu le vois pas, tu l'entends beaucoup moins parce que ça te couvre un petit peu aussi au niveau du son et t'as une horde de zombies dans la gueule. Et puis même visuellement, je veux dire, t'as vraiment un voile vert dégueulasse. Vraiment, je vois bien. Hein. Moi, il y a un moment, je me souviens, je tirais devant, ça devait être Benoît qui était devant et pas un zombie, tu vois. Oui. Donc, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais le jeu te force aussi beaucoup à communiquer vraiment. Verbalement, hein. C'est un jeu, je pense que tu peux t'amuser en étant tout seul avec des bots, tu peux t'amuser en étant avec des gens que tu connais pas et juste en te basant sur les petites voice lines et tout, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer avec des gens, de se communiquer, de se dire attends moi je fais ci, toi tu fais ça, vraiment s'organiser pour coopérer, là c'est là que le jeu crée un autre jeu, et ça c'est toujours les trucs des jeux coop en fait, c'est que il se passe pas seulement quelque chose dans le jeu, il se passe quelque chose un peu hors du jeu ensemble dans la communication, et communiquer c'est un skills qui va falloir améliorer pour dire bah pas forcément c'est droit devant moi parce que je sais pas où t'es, tu vois, il faut ça, dire ça bah... c'est vraiment un truc qui est trop drôle à chaque fois quand on communique en ligne, les gens qui disent là oui là. C'est là c'est là là, alors vaut plutôt repérer, d'ailleurs c'est pour ça que maintenant il y a des boussoles ou des trucs comme ça, tu vois, je sais quand on jouait à PUBG des trucs comme ça, il y a les azimuts, bah, tu vois, c'est nord-est machin, ou alors vers la grosse cabane rouge machin et tout, et c'est ça aussi créer un autre jeu de communication, et nous bah on l'a constaté ensemble, c'est un peu ça qui peut faire défaut, tu vois, quand il y a pas une bonne organisation et pas une bonne communication. Tu peux jouer même à peu près bien en faisant du tir, bah tu vas pas pouvoir avancer. Et pour moi, ça c'est la réussite d'un bon jeu coop, c'est d'arriver à forcer à créer ça, quoi. Et malgré tout, ils ont quand même essayé au maximum, comme on l'a montré là avec toutes ces mécaniques de coopération, d'aider les gens qui partent. Parce que en fait, je pense qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas partir du principe que tout le monde avait un micro casque ou un truc comme ça. Ils se sont dit, on va quand même essayer de trouver des moyens de donner des aides sans que les gens ils aient besoin d'appuyer sur T, coucou, salut à SV, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est sûr que c'est clair que c'est une contrainte, tu vois, de quand tu sors le jeu, il faut qu'il soit jouable de toute façon sans matériel supplémentaire, sans casque et compagnie, parce que sinon là ça mais aujourd'hui on part du principe que tout le monde a ça, parce qu'effectivement c'est globalement le cas. En vrai non, puisque regarde, si Apex fait son truc de ping, c'est qu'ils y ont pensé aussi, ils se disent bah en fait il y a des gens, ils ont peut-être pas leur micro, peut-être que papa, voilà les enfants d'hommes, ils peuvent peut-être pas dire vas-y dis tout le monde, tu vois, c'est pas possible. C'est aussi utile pour le Battle Royale parce que c'est quand même des environnements beaucoup plus ouverts, et effectivement dans les 4 Dead, si tu dis devant, en général devant il y a que un seul endroit. Alors ça dépend, il y a des endroits un peu plus ouverts, mais par rapport à une map de PUBG, par rapport à une map d'Apex Legends, là effectivement il y a un mime moyenne image qui me fait toujours rire, parce que Fortnite donc, est sorti en 2017 je crois, et Apex Legends ça doit être 2019, 2020, 2019 je dirais, et en fait c'est vrai qu'à Fortnite il y a une image où tu vois un mec qui regarde juste un endroit avec des maisons, des falaises et tout, et en fait tous les endroits correspondent à, mais juste là, juste devant toi, en fait tu peux regarder vraiment 20 endroits différents et ça correspond à ça, et c'est vrai qu'on va reparler peut-être un petit peu plus tard, mais Apex Legends avec son système de ping a vraiment changé la donne à ce niveau là et du coup comme on l'a dit, bah, Left 4 Dead c'est quand même un équilibre entre bah, de la coop qui est renforcée par des mécaniques ou des petits trucs, des systèmes comme les voice lines machin, il y a du zbeul qui est foutu pour rendre cette coop. C'est vraiment foutre le zbeul, c'est dans les thèmes de l'émission, on n'a pas choisi, hein. C'est Maxime qui a décidé. Exactement, et il y a un autre truc en fait qui est hyper important et qui tient tout ça, bah, c'est l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça, qui s'appelle le director. On revient un petit peu à l'image du film, hein. En fait il y a un réalisateur derrière, tu sens qui a son mégaphone et qui va donner des ordres, et il mesure, pour mieux donner les ordres, il mesure deux choses, et la première c'est le skill level, donc le niveau vraiment individuel, il va prendre en compte le nombre de kills, le ratio dégâts reçus, dégâts émis, les tirs alliés, etc. Tous les petits facteurs de vrai gamer va déterminer qui est bon ou quoi. Et en fait, plus un joueur est bon, plus il aura tendance à se faire attaquer s'il est un petit peu trop safe. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il appelle le niveau de stress, où là aussi, donc il y a un niveau de skill, mais il y a aussi un niveau de stress pour chaque joueur. Et le niveau de stress, il monte à chaque fois que tu te fais attaquer, et à partir de là bah, il a sa petite recette, quoi. Et ça c'est un truc qui avait beaucoup marqué les gens à l'époque, parce qu'il y avait eu pas mal d'articles et qu'on a pu relire justement pour la préparation, toute cette gestion vraiment dynamique des événements pendant le jeu, c'est ça qui fait vraiment la richesse de Left 4 Dead. Et en gros il y a trois phases qui vont boucler en permanence dans le jeu, ils vont toujours se passer de la même chose. Donc il y a ce qu'ils appellent le build-up, hein. En gros le jeu va faire monter doucement la barre de stress des gens, ils vont mettre des zombies puis quelques petits spéciaux par-ci par-là, va pas y avoir un grand nombre de vagues de zombies d'un coup, c'est vraiment, on fait monter doucement la sauce. D'un coup, va y avoir le pic. En général, c'est quand il y a quelqu'un qui est vraiment blessé, etc. Il va commencer à vraiment envoyer tout le monde. Et ensuite, ça va se calmer. Il va laisser à chaque fois une espèce de moment qu'ils appellent le relax, où tout le monde va avoir un petit peu de temps pour se soigner, pour vérifier les munitions. Déjà se débarrasser en fait du pic. C'est-à-dire que là, t'as la surcharge de zombies. Le temps qu'on nettoie tout le monde, le jeu il dit ok, vas-y, on n'envoie plus personne. Laisse-les se dépêtrer de la situation. On voit s'ils y arrivent. Et après, ils laissent retomber la pression. Et ensuite, quand on va se redéplacer, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui mesure pas mal dans l'endroit où on est. C'est-à-dire, plus si on se déplace trop vite, il va se dire ok, vas-y, on va leur envoyer des. Si on avance, alors qu'on aurait dû se soigner par exemple, et qu'on se dit on avance et on se soignera plus loin, le jeu va pas nous laisser faire. Il faut se soigner sur place. Ouais, la phase de pause, elle dure un peu moins d'une minute. Mais si tu speed, tu peux la couper et redéclencher du coup une nouvelle boucle avec un nouveau build-up et ainsi de suite. Et c'est ça, il y a toujours en fait ce flux constant qui est maintenu, vraiment cet équilibre entre on envoie des zombies, on détecte quand il y a un pic qui a été atteint, tu vois, un palier de stress qui a été dépassé pour chaque joueur, et il y a une autorégulation en fait, vraiment constamment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a vraiment un rythme qui est apporté juste par l'IA et les zombies qui te spawnent dans la tronche. Quand on dit ce palier justement de stress, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, le jeu va pas devenir impossible, c'est-à-dire qu'il va pas effectivement, il va limiter les zombies spéciaux qui vont spawn pour éviter des situations où tout le monde va se retrouver isolé et personne pourrait se sauver. Ils peuvent isoler 2 joueurs et 3 joueurs et forcer un par exemple à sauver tout le groupe, etc., parce qu'ils vont créer en fait des situations grâce à ça, mais ils vont mettre une limite, c'est-à-dire cette petite limite qui est à mon avis le résultat de mois et de mois de playtest, parce que je sais plus si on l'avait dit, mais ça a quand même pris 3 ans en tout à être développé, donc il y a eu beaucoup de playtest pour trouver ce sweet spot dans lequel à chaque niveau de difficulté on va être en galère, mais on va pouvoir s'en sortir si on communique, si on exploite bien les outils qui nous sont donnés par le jeu, si on parle bien entre nous, si on fait bien attention à notre environnement, etc. Mais c'est quand même vachement, enfin moi je trouve ça super intéressant, tu vois, le côté que le jeu il va monitorer comme ça nos performances en direct pour pouvoir s'y adapter. Alors c'est un peu le côté de la difficulté adaptative dont on a parlé, on n'en a pas parlé, mais dans Resident Evil 4 il y avait ça, ce côté je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode dans le remake du 2 on en avait parlé, on avait dû le mentionner effectivement il y avait ce système là qui fait que si t'es trop en galère, si tu meurs plusieurs fois, le jeu va dire ok, j'enlève un ennemi, ou alors si t'es très performant, si tu fais beaucoup de headshots, que t'as beaucoup de munitions sur toi, il dit très bien, la prochaine salle on va bien la remplir. Et ça, je trouve que c'est un outil de design assez fabuleux, quoi, le fait qu'on puisse mettre en place une espèce d'IA qui est derrière, qui observe et qui va pouvoir réagir, et ça crée en fait une expérience qui est intéressante pour tout le monde. Et même les jeux Naughty Dog par exemple, dans Uncharted, il y a ce côté si vous grimpez très très vite, le truc qui s'écroule, puisque on est dans Uncharted donc forcément ça s'écroule, ça va s'écrouler plus vite, alors que si vous y allez lentement, que vous galérez un peu plus à grimper parce que vous n'êtes pas forcément habitué à jouer à des jeux comme ça, ça va prendre un peu plus de temps en fait, pour que tout le monde ait un peu ce même niveau de tension et de danger. Et ça, je trouve que c'est brillant en fait, parce que pour moi c'est vraiment du game design moderne qui se dit ok, on essaie de regarder comment se comporte le joueur et on veut apporter la même expérience, mais comme on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose d'unique qui va matcher avec les profils de tout le monde, on crée quelque chose qui est flexible et manipulable comme ça, grâce à la volée. Je trouve ça super intéressant. Et là concrètement, par exemple, ça se traduit par le nombre de zombies qui arrivent en horde. Alors il y a le mode de difficulté aussi, comme on l'a dit, il y en a 4 je crois dans Left 4 Dead. Ça va de 10 à 30 les zombies en fonction donc du mode de difficulté, mais aussi du niveau de skill, en fonction de la performance des gens et comment ils galèrent. Et il y a aussi les objets de soins qui sont mis aléatoirement dans le niveau. Ça peut être des pilules, mais ça peut aussi être, parce que les pilules sont moins bien que les packs de soins, et si l'équipe galère un petit peu, ça leur met des packs de soins. Et on peut aussi voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'équipe performe bien, ça devient des pilules, parce qu'on a tendance à dire un nivellement par le bas et tout, mais aussi dans l'autre sens. En fait, ça va dans l'autre sens. Non, vraiment, l'objectif du directeur et des gens qui ont fait Left 4 Dead, c'est de créer ces situations de tension. C'est que tout le monde, peu importe notre niveau, ressente ce système de stress. Donc quoi qu'il arrive, on va galérer, mais chacun un petit peu à notre échelle. Par exemple, nous avec Hugo, vous et moi, tu vois, face à 2 zombies, ça va, on s'en sort. Un peu plus, ça devient compliqué. Et pendant ce temps, t'avais Max qui se baladait au milieu du genre. Tu sais, lui, c'était vraiment le chef d'orchestre du genre. Oui, toi, t'es là-bas, toi, tu fais ça, et tu le voyais enchaîner des headshots et tout. Parce que effectivement, comme Max, il a beaucoup d'expérience sur le jeu, lui, pour qu'il ressente ce pic de stress et de danger qu'on ressent face aux zombies, il faut jouer en difficulté supérieure. Il faut rajouter des trucs. Et le jeu, en fait, nous permet justement de progresser là-dedans. Et fait, comme tu l'as dit, pour moi, je trouve ça vraiment ultra fascinant parce que ben, l'objectif n'est pas de punir les gens, mais de les faire ressentir justement ce petit, ben voilà, ce petit moment de danger d'être face à des hordes de zombies. Et tu peux pas faire trop le fifou non plus, puisque l'IA fait en sorte que si un joueur s'isole et fait, va partir un peu trop devant, il te spawn un infecté spécial. Donc même si t'es bon, alors t'as toujours, si t'es très bon, t'as toujours des techniques, tu peux repousser les hunters quand ils te sautent dessus, pareil pour les jockeys. Tu peux, alors ça par contre, c'est, ça c'est ceinture noire, mais tu peux couper la langue des smokers avec une arme de mêlée tranchante, mais c'est un timing fou. Tu peux aussi, alors on va aller plus profond, mais si le chargeur te fonce dessus, si tu arrives à viser la tête avec une arme de mêlée au moment où il te fonce dessus, tu fais une décale, ça peut le tuer aussi. Mais comme dit, c'est de la ceinture noire, c'est très risqué, même si tu te démerdes bien. Donc même un joueur qui est assez bon, c'est pas intéressant de faire le fifou. Je suis de en train d'imaginer devant. Le CV de Max, tu sais, avec marqué ceinture noire de Left 4 Dead. Peut tuer des chargeurs avec une arme de mêlée. S'il est isolé, en est capable. Vous pouvez l'envoyer au front tout seul. Mais même ça, c'est très risqué. En fait. Et en plus, de toute façon, bah, tu vas créer aussi un déséquilibre vis-à-vis des trois autres. C'est-à-dire que si toi, tu pars tout seul, bah, ils auront un élément de moins pour gérer la situation actuelle. Donc, en fait, le jeu, quoi qu'il arrive, nous pousse à essayer de rester groupés, même si, à l'inverse, parce qu'il n'y a pas que ce director hein, qui gère la volée, il y a aussi tout le level design, et ça, c'est vraiment bah, le cœur du travail des designers, c'est comment créer des situations inédites pour créer bah, du dynamisme, encore une fois, pour maintenir cette tension entre eux. On nous pousse à coopérer, mais on fout le zbeul, et du coup le level design va aussi avoir son importance. Alors l'exemple le plus simple, c'est les fameuses voitures là qui clignotent, sur lesquelles bah, si on tire dessus ou si on monte dessus, oui mais je savais pas monsieur serve, et bien ça fait aussi du bruit, et là ça va attirer énormément de monde. Et l'idée du coup, c'est d'empêcher les gens de se dire ok, on va vous pousser à viser quand même correctement, à manœuvrer autour de la situation, autour de cette fameuse voiture qui clignote, parce que si vous faites n'importe comment, bah, on va vraiment là quand même un peu punir tout le groupe. Donc il y a cette idée là de créer des enjeux, et puis après bah, ça va être avec les couloirs, avec des espaces ouverts qui vont se gérer différemment en fonction des infectés. Bah, il va y avoir de la verticalité aussi, où on va avoir des moments où on va pouvoir prendre des positions un peu en hauteur pour justement mieux voir ce qui va se passer, ou à l'inverse, on va se retrouver avec des zombies qui vont nous arriver d'en haut. Enfin, forcément, ce qui est intéressant avec ce système de vagues où on a vraiment des zombies qui se jettent sur nous en grand nombre et très rapidement, peu importe le type d'espace dans lequel on va se retrouver, la situation va être différente. Et donc ça veut pas dire que c'est trop facile le level design dans un jeu de zombies, mais en tout cas ça leur permet facilement de créer des situations de jeu juste en modulant un petit peu des trucs sur le nombre de portes, le couloir, le nombre d'accès en fait qu'ils peuvent ramener à l'endroit, et en fonction de l'endroit où on se trouve nous, bah forcément la situation va être différente. Et le jeu il trouve aussi un équilibre entre ta curiosité et ta volonté de trouver le bon chemin. Par exemple il y a, c'est avant le carnaval, t'as un moment, t'arrives à un motel, et en fait t'arrives, tu sais pas où faut aller, et c'est le motel, genre tu sais, ça fait un carré en gros, et au milieu t'as la petite piscine qui est vide, t'as plein de portes à ouvrir, et tu t'es partagé entre bah, on trouve le bon chemin, on se dépêche, parce que le directeur il nous envoie des hordes, hein, de temps en temps il fait spawner des infectés spéciaux, explorer, puisque tu peux trouver des médicaments, des molotovs, des pipe bombs, tu peux trouver, je crois que dans la piscine c'est un des spots où tu peux trouver des armes, hein, tu peux trouver des munitions avec des armes, et à ce moment là tu peux en manquer. Et bah, y a vraiment cette équipe de choix, tu fais souvent des choix en fait, et comme dit, c'est que t'es toujours occupé en fait dans le jeu, et tu peux toujours aller de l'avant, et c'est le level design en fait qui va apporter des ruptures entre bah, je fonce en couloir, ou je cherche des objets, ou je cherche le bon chemin. C'est un jeu qui est assez intense, moi j'ai trouvé, hein, quand on y a joué ensemble, je trouve que aujourd'hui les jeux sont un petit peu, nous laissent peut-être un peu plus de temps pour souffler, tu sais, il y a vraiment des moments où on se dit ah ça y est on peut souffler, en fait non ça arrivait déjà, tu vois. C'est un jeu quand même qui t'envoie constamment, qui te met beaucoup la pression, à la fois pour te déplacer sur les objectifs, sur les hordes qui sont constamment là, et les hunters, les machins, ça ne s'arrête pas trop. C'est quand même des longues séquences qui sont assez intenses. Je pense que c'est parce qu'on avait moins d'expérience aussi. Tu vois, Max, lui, vraiment, il était là. Je l'ai vu, j'ai du tricot pendant qu'on jouait. Mais c'est ça, je pense qu'on a joué ensemble. Le truc, c'est qu'on a un tel différentiel de niveau que c'était compliqué pour tout le monde. Nous, je pense que c'était trop compliqué en avancée pour nous. Et peut-être que toi, bah, t'étais un petit peu genre, bon, allez, les enfants, on y va. Moi, j'ai pas la charge cognitive parce que les niveaux, je les connais par cœur. On l'a toujours pas dit, on l'a compris. Je pense, j'ai beaucoup joué en multi en fait, à ce jeu-là, et beaucoup aux deux où t'avais les maps du 1 en plus, et j'avais déjà joué au 1, et donc moi le chemin je sais où il est, parce qu'en fait les maps, une fois que tu les connais, en fait c'est tout petit, vraiment, et même nous quand on y a joué, c'est assez court. En fait, c'est intense, mais en une heure et quart, t'as fait je crois, t'as 4 ou 5, je sais jamais, 4 ou 5 chapitres en fait dans le même campagne. Truc. Oui, donc, ça veut dire que ça dure 10 à 15 minutes. Et bon, il se passe pas mal de trucs, tu vois, dans au sein d'un même chapitre. Donc c'est quand même relativement court. Un autre truc intéressant dans le level design, c'est que parfois, et ça renforce encore le côté dialogue, le fait de se grouper. Mais je repense juste là au métro, par exemple, ça arrive plusieurs fois dans le jeu. Mais par exemple, le métro, à un moment, t'as 2 couloirs. En fait, t'as 2 rames de métro et tu peux te séparer à ce moment-là, c'est-à-dire que le niveau il te mène à l'une comme il te mène à l'autre, et là le groupe il peut être séparé, il est complètement séparé par un grand mur, et il suffit que y en ait 2 qui soient un peu isolés machin, et t'as 2 hunters qui sautent, et ça parce que le level design, en fait il y a pas de bon chemin, c'est-à-dire que ces 2 couloirs se rejoignent au même endroit au moment, mais si tu t'es pas dit attendez on passe par où, ensemble machin, donc que nous on faisait les kekos, on se baladait comme ça et voilà. Et l'exploration, comme on l'a dit, le motel, il y en a un qui peut se dire attends je vais chercher des pilules là-bas, l'autre il dit attends je vais checker la piscine, et là en fait tu te mets à te séparer. Dès que t'es déconcentré, que t'oublies en fait la discipline un peu du jeu qui est rester groupé, organisez-vous. Si tu fais un peu un faux pas de côté, le jeu va faire ah ouais, et bah hop, bim, petite taloche sur la tête et il te le rappelle. Et un truc dont on avait parlé en tout début de jeu et qui me semble vraiment intéressant et qui est très spécifique au FPS de manière générale, mais a fortiori dans les jeux en multijoueur et compétitifs ou coopératifs, c'est justement la notion de narration, mais en fait, la méta-narration entre guillemets. C'est-à-dire que, on l'a dit, l'histoire du jeu c'est Osef, il y a 4 survivants, il y a des zombies, etc. Par contre, le jeu, lui, via le directeur, alors je sais pas si on l'a dit, mais à aucun moment donné, quand on joue, on sait qu'il y a cette IA qui s'appelle le directeur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on a appris a posteriori, parce qu'ils nous l'ont expliqué et qu'ils ont fait des articles ou des vidéos pour en parler. Et que mais beaucoup nous, d'autres joue, designers après ont repris, enfin, c'est un système qui a inspiré beaucoup de monde. Voilà. Mais bon, ça, on le sait pas quand on est dedans. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on est en train de jouer et qu'on crée ces situations de jeu, et ben en fait, les histoires qu'on va vivre seront différentes à chaque partie, puisque justement, il y a ce côté dynamique. Et donc, chacune des parties de Left 4 Dead, c'est une petite histoire qu'on va vivre, nous, ensemble, en se disant, ah bah oui, mais là, tu te rappelles, il y a le Hunter, il m'a chopé, oui, mais j'ai réussi à lui tirer dessus au bon moment. Là, à ce moment-là, Hugo il s'est fait choper par le smoker et on l'a pas vu. Il y a le moment où Max, il était... ça fait 2 heures que je vous dis qu'il y a un smoker et que vous êtes là. Moi, j'étais avec mes petits bidons d'essence. J'ai beaucoup aimé le moment où on était dans la petite maison là où on était tous les 4, donc on jouait avec Théo et on avait pris chacun un an comme ça. Et là, j'étais vraiment en mode, tu sais, film, genre, ok, moi je tiens là, toi tu tiens là. Et tu sais, il y avait ce côté défense, cohésion, on était ensemble. Et ça, ouais, c'était un vrai moment de jeu vraiment coopératif qui était vraiment sympa, ouais. Et ça, d'un point de vue du narrative design, c'est quelque chose qui est complètement voulu, en fait, de la part des développeurs. Et je pense, en tout cas, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense que le fait que l'histoire soit très enregistrée, c'est pour laisser la place à ça. Hein, on en avait parlé quand on parlait des jeux Ubisoft, hein, le fameux Anecdote Factory. Left 4 Dead, c'est littéralement le jeu qui fait ça. C'est-à-dire que vous jouez une heure à Left 4 Dead, vous prenez 30 000 personnes qui jouent une heure à Left 4 Dead, vous aurez à peu près 30 000 histoires différentes. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que, justement, le jeu s'adapte, le jeu est capable de nous procurer un challenge qui est toujours assez bien dosé, relativement bien dosé, on va perdre, hein. Des fois on meurt, hein, c'est comme ça. Mais le fait de créer ces histoires, moi c'est un truc qui me fascine, tu vois. Par exemple, je sais que toi t'es un gros fanat de level design, Hugo par exemple, moi tous ces trucs de narrative design ça me fascine de ouf parce que je me dis mais c'est génial, la moindre situation est différente et on n'a aucun contrôle, c'est pas des gens qui ont écrit la situation, c'est ce qu'on va vivre et ce qui va se passer à un instant T, et ça c'est ce qui va créer les souvenirs chez les gens et qui va faire que Left 4 Dead c'est un jeu qui a marqué. Et puis c'est la force du multi malgré tout, enfin, le jeu vidéo en multijoueur, il prend une dimension qui est différente parce qu'il y a quelque chose de social, on vit un moment, on partage un truc. Et bon, c'est marrant parce que voilà, dans l'émission, c'est vrai qu'on partage, on parle pas beaucoup de jeux jeux multijoueurs, et c'est vrai que c'est une couche d'expérience de jeu qui est totalement différente. Et c'est vrai que quand on se retrouve sur un jeu multijoueur, limite le jeu parfois passe un peu en retrait par rapport à ce moment tout simplement qu'on est en train de passer ensemble, de partager des trucs. Et ça, c'est vrai que ça ajoute une couche qui est vraiment qui multiplie un peu l'expérience et les émotions qu'on va pouvoir vivre. Là où le 2 est cool aussi, c'est qu'il apporte un petit peu plus justement d'occasion de créer des choses différentes avec les phases finales, puisque dans le premier c'était toujours pareil où tu restais au même endroit. Alors il y a toujours une possibilité de créer des histoires différentes, hein, quand tu leur fais 2, 3, 4 fois. Mais avec le 2, par exemple, t'as le premier niveau, donc ça on l'avait fait ensemble, celui du centre commercial où il faut chercher 13 bidons d'essence qui sont éparpillés à des endroits différents. Et tu peux adopter des stratégies différentes où tu te dis on commence par ceux du premier étage, on commence par ceux du deuxième étage. Tu peux découvrir qu'il y a un raccourci entre le deuxième et le premier étage, tu peux faire le fifou en sautant d'un endroit à l'autre quand tu connais un petit peu. Et ça, c'est vraiment différent. Il y a des fois où, alors surtout au multi, on va y revenir plus tard, mais tu peux avoir jeté les bidons d'essence depuis l'étage et quelqu'un a tiré sur le bidon ou acheté une moto et ça crame tout. Tu on vois. L'a pas fait. On l'a pas fait. Non, ça nous est pas arrivé. Ça, ouais, ça arrivé. Tu nous avais prévenu. Maxime nous a prévenu. Ah, déjà, donc, quand on monte dans l'ascenseur, il nous dit alors écoutez bien ce que le monsieur va vous dire. Mais par exemple, alors là, c'est l'occasion de le dire, mais en multi, par exemple, le spitter, en fait, quand il crache sur un bidon d'essence, il l'enflamme. Si c'est un bidon d'essence qui a été manipulé par un survivant, il l'enflamme. Donc ça, c'est une technique de base où si tu vois qu'il y a trois bidons ensemble, bah tu les crames. Mais tu c'est vois. Ça va être super chaud en multi à passer ce truc-là. Bah parce non, que spitter. Tu le split, du coup, tu jettes les bidons au oui, quatre coins de la map. Ah, d'accord, voilà, oui, c'est plus chiant, ça c'est sûr. Mais du coup, tu sais que tu les regroupes pas. Mais du coup, et t'as aussi donc ça, t'as le coup des bidons d'essence et t'as aussi t'as un pont, t'as la phase finale de, je crois que c'est The Non, c'est pas The Parish. Bref, un autre chapitre où t'as genre 5 ou 10 minutes pour traverser un pont qui va être détruit par des militaires. Et tu dois courir tout le long du pont pendant que t'as une horde. À un moment, tu vas avoir un tank et tu prends pas forcément les mêmes chemins, machin. Et ça aussi, tu vois, tu peux enchaîner 5 parties différentes. Il se passera pas exactement la même chose. C'est pas les mêmes infectés. Donc, surtout dans le 2, puisque t'as forcément les Pokémon, ils tournent plus que dans le 1 où c'était toujours quand même Hunter, Smoker, Boomer. C'est pas beaucoup, hein. Là, t'en rajoutes 3 en plus. Bah, du coup, t'as pas les mêmes compositions qui arrivent au même moment, donc t'as beaucoup de variété qui apportent. Ouais, ça permet un vrai renouvellement en fait, c'est ce truc un peu qui est pas de la génération aléatoire, mais qui est quelqu'un qui contrôle et qui va diriger suivant les performances, ça crée effectivement beaucoup de possibilités de revivre les choses, et puis encore une fois, bah, si tu le vis avec d'autres personnes, et bah tu vas vivre une autre expérience différente, etc. Et tu vas avoir la possibilité de t'améliorer. Et ça, c'est un truc qui est cool parce que bah, si on joue, tu vois, par exemple, toujours avec les mêmes personnes, tu joues avec ton groupe de potes, ben, à force de connaître les situations, on va mieux s'organiser, on va mieux communiquer, on va penser à des erreurs qu'on commet d'habitude, on va commencer à moins les commettre, etc. Et donc, on va pouvoir progresser et se mettre des nouveaux paliers de défis et bah, d'augmenter la difficulté, par exemple. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment sympa en coop, la difficulté, parce qu'on collabore ensemble pour monter et pouvoir créer un jeu qui est rejouable. Et je trouve que ça justifie beaucoup plus en fait de vraiment la monter les difficultés, de dire ok, bah on sait faire maintenant, vas-y, on se remet un palier pour pouvoir en reprofiter. Et moi, ça me rappelle, je sais qu'avec mon père, on avait fait les Time Splitter 2, tu vois, et on les faisait mode facile, mode normal et mode difficile. Et là, on devait recommencer, connaître par cœur le niveau et tout, mais c'était top, tu vois, c'était un autre moyen en fait de repasser encore un moment ensemble et de se surpasser. Et ça, c'était vraiment sympa. Et là, le jeu permet vraiment ça, et du coup, de passer pas mal de temps, c'est-à-dire que même si c'est assez court dans les faits, parce que si tu fais juste la campagne une fois, ouais, allez, on va dire en 5-6 heures, ça doit être plié à mon avis. Là, voilà, t'as de la marche pour encore repasser du temps dessus. Du coup, voilà, on fait déjà une première mini-conclue. On a la recette de Left 4 Dead. Du coup, c'est quoi? Bah, c'est des lieux qui sont quand même assez variés, des lieux, voire même iconiques, diront certains. Le niveau de la fête foraine, incroyable. des moments forts avec des hordes qui arrivent à tel moment, des mises en situation du jeu où on va se taper un tank, une witch, donc même des moments parfois aléatoires qui seront pas toujours au même moment, de la coop bien pensée avec les mécaniques qui vont avec, qui nous forcent vraiment à être ensemble face à des zombies qui sont pensés par le gameplay, c'est-à-dire ils sont pas juste, c'est pas juste des gros qui vont taper ou quoi, c'est-à-dire le hunter, voilà, il peut sauter du toit, le smoker il va te tirer vers lui, le jockey, voilà, ils ont des bruits un petit peu distinctifs, des silhouettes différentes, donc ils sont identifiables, ils ont une fonction vraiment de gameplay, et ce qui tient tout ça, c'est vraiment l'IA, le director, qui maintient ce rythme en fait constant, qui sait spawner quand les ennemis arrivent, et voilà, le tout avec ce côté petite narration en retrait, hein, où y a pas, voilà, si t'as pas des cinématiques, le rythme est pas interrompu en fait. Non, non, ouais. Mais toi, Maxime, tu as passé encore du temps sur un autre mode de jeu. Qui n'était pas, où tu ne jouais pas tout le temps les survivants. Et non, parce qu'il y a donc le mode multi, mais compétitif versus, hein, ça s'appelle le mode versus, puisque là, en gros, ce qu'on a dit, c'était le mode les humains contre une intelligence artificielle, donc les zombies qui sont spawnés par l'intelligence artificielle et qui arrivent en général par groupe de 1 ou 2. Hein, voilà. Et le mode versus, en fait, c'est des humains qui contrôlent les zombies, qui contrôlent quand ils spawnent. Alors, quand même limité, oui, je vais le dire maintenant, ça posera bien les bases, t'es quand même limité à ce que l'IA te force à prendre. C'est pas toi qui choisis entre Hunter, Smoker ou Boomer, on t'impose parmi les quatre joueurs. Déjà, t'auras toujours forcément un Boomer ou un spitter, pour pas que tu te retrouves, comme on l'a dit, hein, les règles de base restent, tu peux pas avoir deux smokers, deux hunters ou un chargeur, parce que tous, à part le spitter ou le boomer, vont paralyser le survivant s'ils y arrivent. Donc forcément, si tu chopes les quatre d'un coup, bon, c'est game over, c'est un petit peu triste. Donc tu auras toujours un boomer pour foutre la merde ou un spitter. Je vais revenir en détail sur les stratégies, mais dans un premier temps, comme on l'a dit, déjà, t'as quand même cette rejouabilité qui est permise par le jeu et par d'autres choses. Comme on l'a dit, t'as le spawn de munitions, c'est pas toujours au même endroit, les spawns d'armes sont pas pas toujours au même endroit, les spawns de soins sont pas toujours au même endroit. Donc quand tu recommences une partie, les stratégies seront pas forcément toujours les mêmes. Tu peux pas dire ah on a les munitions là-bas et tout. Non, il faut tout constamment s'adapter quoi. C'est ça. Et le fait de changer de point de vue et de jouer les zombies, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me dis mais ça veut dire qu'ils ont pensé ces personnages-là comme étant des persos qu'on allait pouvoir jouer dès le début. Et donc dans leur design, c'était pas juste des IA et des ennemis, c'était aussi il faut qu'on les rende fun pour les gens quand ils vont les contrôler et leur donner la possibilité de s'améliorer encore une fois. Parce que moi ce que je me dis c'est qu'à chaque fois que Max il nous raconte, là il va bientôt arriver avec son petit tunnel d'anecdotes je pense, pour vous expliquer des situations de jeu ou quoi que ce soit, c'est vrai que de pouvoir jouer les méchants et les ennemis que d'habitude on subit, là de comprendre leurs forces, leurs faiblesses, ça te donne un point de vue complètement différent sur la dynamique du jeu habituel. Surtout que là on a loué l'IA et tout, mais le joueur reste quand même pensé pour que t'arrives au bout quand même avec ta difficulté, mais forcément quand t'es face à une intelligence humaine, là c'est différent. C'est-à-dire qu'il est permis, comme c'est du scoring, en fait les 4 survivants peuvent mourir à la sortie de spawn, mais si t'as fait 5 mètres, ce sera toujours mieux que si les autres font 3 mètres. C'est-à-dire qu'il est permis que tout le monde meure, et du coup là ça devient beaucoup plus difficile. Donc là, je vais parler un petit peu de la méta très rapidement pour montrer qu'il y a quand même un style de jeu différent. Quand des humains se coordonnent, quand ils jouent les zombies, donc ils spawnent forcément les 4 en même temps, et l'idée en général c'est que t'envoies, donc ça c'est Left 4 Dead 1, t'envoies le boomer d'abord, donc parce que t'es limité à boomer, hunter et smoker, t'envoies le boomer d'abord qui est là pour vomir sur les survivants, c'est là que tout va se jouer en fait, et s'il arrive à avoir les 4, c'est génial parce qu'ils voient plus rien, ils sont submergés par les zombies comme on l'a dit, et du coup là le smoker il arrive, il en chope un, le hunter il en chope un autre, et l'objectif c'est d'en avoir 3 qui sont paralysés, et le dernier qui voit pas, qui comprend pas ce qui se passe, en général t'as le temps d'en foutre un à terre, puisque quand on met un 2 fois à terre, et la troisième fois il meurt, donc l'objectif c'est de les avoir à l'usure, d'user leur objet de soin et les tuer un moment. Le 2 va changer un petit peu cette dynamique, tu gardes ça, si t'es un boomer, c'est toujours lui qui va essayer de commencer un petit peu la fête en vomissant sur les survivants, et t'as des spots évidemment, est-ce que tu peux vomir d'un toit, parce qu'il est très vulnérable, donc tu peux vomir d'un toit, ou tu vas essayer de spawner un petit endroit à la con, et hop apparaître devant eux pour que même si t'exploses, tu les asperges de vomi. Mais ce qui change aussi, c'est que t'as le spitter qui lui fait une mare d'acide et tu te prends de plus en plus de dégâts sur la durée, et ça change pas mal par rapport au 1 où avant t'étais safe dans les petites salles, tu pouvais vraiment, comme tu as dit par exemple, la fameuse maison où on défendait en haut de l'escalier, un qui regarde l'escalier, un qui regarde la chambre, un qui regarde la fenêtre, là si le spitter il avait craché en haut de l'escalier, on se serait tous séparés. Et là hop, le smoker il chope depuis la fenêtre, le hunter il vient ou le boomer il arrive, donc t'as une méta en fait qui vient en place, qui va se servir de ces zombies là pour un petit peu j'explique juste, mais la méta c'est un ensemble de bonnes pratiques en fait et de techniques qui vont pouvoir t'emmener vers la victoire, et du coup les gens, l'adversité fait que ça s'équilibre, c'est à dire que ok on réagit comme ça à cette façon de jouer, du coup comme les gens réagissent comme ça il y a une autre façon de jouer qui va se construire dessus. C'est un peu ça la méta, c'est dans les jeux tout compétitifs, c'est le jeu autour du jeu en général, c'est comme ça qu'on le présente, c'est vraiment comment on joue au jeu, comment tout le monde, globalement la communauté des gens qui jouent en multi, vont améliorer leur compréhension du jeu et créer des stratégies différentes, créer des contres, créer des façons de se sortir d'une situation. Penser aussi toute la partie un peu mind game, où en gros attirer les gens en faisant du bluff, en leur faisant croire qu'ils vont avoir une situation avantageuse et justement les attirer dans un piège, enfin bref, tous ces petits trucs qui sont pas du tout dans le jeu lui-même mais dans la tête des gens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là le level design prend un autre sens. Par exemple dans le premier, donc encore une fois dans No Mercy, dans Left 4 Dead 1, en fait il y a des points de non-retour, c'est-à-dire il y a un moment tu vas descendre d'un étage et tu ne pourras plus remonter, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'escalier ou quoi. Et en fait, en solo, ça n'a pas vraiment d'importance, on s'en fiche un petit peu, parce que l'IA, c'est pas joli, l'IA ne s'adapte pas en fait à son rang, alors qu'en multi, là tu dis, ah oui, ils peuvent pas remonter, c'est-à-dire que s'il y en a 3 qui sautent, un qui reste en haut, si t'arrives à le choper avec un smoker, c'est bon, c'est game over, il est mort, il pourra pas être sauvé, donc t'as chopé un survivant gratos. Et en fait, tous ces endroits, t'en as plusieurs, et tu les repères du coup quand tu joues en multi, tu les repères beaucoup plus facilement parce que c'est des endroits hyper importants où tout va se jouer en fait à ce moment-là, où le but des infectés ça va être d'en choper un ou au moins d'en foutre un à terre à l'étage pendant que les autres en bas c'est la merde quoi. Et donc ça donne un nouveau sens vraiment à ce level design où tu vas exploiter, donc comme tu le disais, tu le fais déjà dans un premier temps avec les niveaux de difficulté, parfois tu vas mieux jouer, c'est-à-dire tu sais que un des trucs de base quand il y a une horde c'est d'avoir le dos au mur, tu vois, idéalement dans un coin, comme ça tu te fais pas entourer, ça c'est quelque chose que tu apprends quand ils te foutent beaucoup de dégâts. Mais en multi du coup t'as ces zones-là où bah, quand t'es face à quelqu'un qui sait jouer, c'est pas, évidemment, c'est pas la même. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce mode compétitif se construit un peu sur des temps forts qui vont se baser sur ouais. des endroits où à un moment, les survivants vont se dire « Ok, maintenant, faut qu'on joue comme ça ouais, et ouais. c'est comme ça qu'on va gérer. » Et à certains endroits, là, c'est les infectés qui vont dire « Ok, là, on a ce moment d'opportunité. Donc, si on joue bien comme ça et qu'on arrive à exécuter correctement notre plan, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir prendre un peu du point. » C'est un peu rugby, football américain, tu sais, chacun un peu son tour, ouais, comme et, ça. Et justement, c'est là que la compréhension et la connaissance du jeu, du level design est super importante, parce ouais. que connaître à l'avance ces choke points, ces moments vraiment, enfin, on va dire ces points critiques, à l'avance, savoir quelles sont les possibilités de sortir. Par exemple, ben, on peut très bien imaginer une situation où on va forcer les gens à s'enfuir, et donc si on sait qu'il n'y a qu'une seule sortie et une porte, ben, toi, tu vas les attendre à cet endroit-là, parce que du coup, tu sais que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir les combattre. Bah, c'est comme ça que la compétition naît, en fait. Ouais. C'est une expertise en fait sur le jeu de base et voilà sur le gameplay etc qui permet ensuite de créer des situations où là ça va jouer bah au niveau compétitif quoi c'est ça la différence ouais. quand vous regardez un match de foot et un match voilà à la campagne d'Alsacienne des gamins c'est ça la différence c'est qu'il se passe des moments de construction de jeu où tu dis ok là ils sont en train d'essayer de faire ça et c'est ça qui va mener à la victoire ou à prendre un point et c'est pas toujours des lieux qui sont marquants comme bon c'est semi marquant quand tu comme dit tu descends d'un étage ou par exemple quand tu passes aux égouts, mais parfois c'est juste une fenêtre, et ben tu sais que cette fenêtre-là ouais. c'est le spot à chargeur où tu sais qu'il va essayer de spawner derrière toi et de foncer et de t'embarquer par la fenêtre parce que c'est mort immédiate, et c'est plein de petits points critiques en fait ouais, qui se succèdent, le smoker il peut te faire tomber, il peut te mettre au bord d'un... alors tu meurs pas directement parce que quand c'est pas un chargeur, il se raccroche au bord, ton survivant se raccroche au bord, mais t'es paralysé ouais, c'est-à-dire ouais. que tant que quelqu'un te relève pas, tu sers à rien, et du coup t'as toujours le spot à smoker, le spot à chargeur. Là, on sait qu'il ne faut pas rester trop longtemps parce que sinon, le spitter, il vient un petit peu te faire chier. Enfin, il faut faire en sorte d'être mobile à tel endroit. Et donc, oui, tu as toute une méta, en fait, qui se met. Et bah, c'est vrai que tu vois les niveaux complètement différemment, en fait, quand tu es face à, bah, à une intelligence humaine, quoi. Et comment, toi, tu as découvert tout ça? Est-ce que c'est juste en jouant ou est-ce que tu allais sur des forums, des wikis? Parce que c'est pas encore trop l'époque, pas trop l'époque de, ce, ouais. de ce truc-là. Non, du coup, c'est plus en jouant, ouais. ouais. Du coup, en jouant avec d'autres personnes où tu disais, ah ouais, ça marche bien bah, de faire en ça. En fait, ou... le meilleur apprentissage, c'est parce que c'était du matchmaking donc aléatoire, alors tu peux jouer avec des amis même contre des gens si tu t'organises à 8, moi en général j'avais un groupe d'amis où on jouait à 3-4 4 en général, et en fait le meilleur apprentissage c'est quand tu tombes contre des gens forts qui savent jouer, qui eux éventuellement ont fait des guides, vont te montrer un guides, truc comment faire. Attends, on s'est fait vraiment latter, c'est une bonne idée. Et là tu te fais éclater, ça, ouais. tu fais ah ouais en fait ouais, on peut ouais, faire voilà, ça en fait voilà. et okay. bah, t'apprends un peu à la dure entre guillemets, mais je pense que ça existait, tu vois, des guides ou des vidéos et tout, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je faisais à l'époque. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est face aux ennemis directement, on comprend ce qu'ils font, c'est-à-dire que on subit leur stratégie, on se dit ah ben on peut peut-être essayer de la reproduire nous-mêmes. Donc, bah, quand on se retrouve, puisque en fait, on l'a pas dit, mais le jeu en multi, à chaque fois, c'est on alterne. C'est-à-dire qu'on joue pas toujours les humains ou toujours les zombies, c'est une manche humain, une manche zombie. Il faut aller le plus loin possible pour les survivants. Voilà. C'est ça, c'est à la fin, on fait le bilan, qui allait le plus loin, qui a le plus empêché l'autre d'avancer, et c'est ceux qui gagnent. Comme on l'a dit et qu'on l'a vu vraiment tout au long de l'épisode, le jeu, avec tous ces outils qu'il a mis en place, cette IA, le level design, etc., la possibilité de jouer en multi, et donc de changer le point de vue et d'avoir un compétitif, c'est un jeu qui a marché dans la durée et qui a vraiment eu une communauté active de gens en multi comme Max pendant pas mal de temps. Et nous, en fait, ce qu'on voulait faire pour doucement se rapprocher un peu de la fin de l'épisode, c'est de se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé après, du coup. Parce que Left 4 Dead, bah, ça fait quelques années maintenant, hein, on l'a dit, 2007-2008. Tu vois, tu disais, ça m'a fait rigoler parce que tu disais, ah oui, les wikis, c'était pas trop l'époque. Ouais, les jeux à wiki, et c'est bah, 2011, ouais, hein, c'est Dark Souls, ouais, donc ça a commencé. Bah, fallait que je le dise, c'est pour les gens du bingo. T'as dit paysage vidéolidique tout à l'heure. Donc normalement, là, il y a quelqu'un qui a une ligne. Normalement, voilà. Mais. Le fait est que c'était pas encore effectivement cette période-là, et le jeu vidéo a beaucoup changé à partir de 2010, 2011, etc., quand il y a eu bah, le changement de génération aussi, l'arrivée aussi bah, de certaines évolutions du jeu indépendant. Et donc, bah, pour Total Rock, la suite, ça n'a pas été aussi cool, malheureusement. Ouais, ça n'a pas été aussi simple. Bah, ils ont essayé, en fait, la suite pour eux, ça a été donc de... Après, ils ont racheté leur studio. Enfin, ils l'ont pas racheté. En fait, ils ont cassé le deal avec Valve. Parce qu'on l'a dit, hein, en fait, Turtle Rock, c'était Valve South pendant Left 4 Dead. Et après, c'est redevenu Turtle Rock. Et c'est après, en fait, qu'ils vont bah, reprendre cette idée de gameplay asymétrique, de mode compétitif asymétrique. Hein. Ça veut dire quoi, asymétrique? Ça veut dire que d'un côté, des personnages ont telle capacité, de l'autre, on n'a pas les mêmes capacités. Et bah, c'est comme ça que va naître un petit peu l'idée d'Evolve, qui sera aussi mélangée avec le fait qu'ils aimaient bien chasser. Ils avaient faisait des jeux de chasse, tu vois, où tu chassais des cerfs, des trucs comme ça, et se disait, oh, ça pourrait être rigolo si on y jouait ensemble. Et du coup, c'est un peu comme ça que c'est né. En vrai, c'est, moi, c'est, je pense qu'un des protos, c'était le tank, en fait, de Left 4 Dead, puisque. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai pas dit, mais en multi, t'as un joueur, c'est aléatoire, qui contrôle le tank aussi, et du coup, bah, là, ça crée des phases assez intenses où t'as le tank contrôlé par un humain qui se joue différemment et tout, et versus 4 survivants. Et Evolve, bah, c'est ça le pitch, littéralement, c'est un monstre avec des pouvoirs qui va évoluer tout au long de la partie. Et contre 4 survivants ou gameplay différent. Exactement, et du coup, bah, ils vont essayer de faire naître ce projet, mais on connaît le destin de ce jeu-là. Malgré tout, en fait, il y aura un business model, donc vraiment une manière de vendre le jeu, en fait, où les monstres iconiques, il y en aura 2 ou 3, je crois, à la sortie. Ouais. Et en fait, le troisième, genre, il est en mode payant, il faut le payer, alors que le jeu était déjà vendu full price, hein, donc à 60 $, 60 €. Et voilà, fallait payer en plus en DLC, là aussi peut-être pour les chasseurs, donc les 4 membres, peut-être qu'il y avait des armes qu'on pouvait acheter comme ça. Enfin bref, le jeu il est sorti vraiment à la fois un moment où on n'était peut-être pas encore tout à fait habitué à se faire autant douiller qu'on l'est aujourd'hui. Et, oui, parce que c'est quoi, c'est 2014, 2015, un truc comme ça, je crois. Non. Non, c'est Valve, Je dis non parce que je l'ai testé, enfin j'ai fait partie des gens qui y avaient joué quand il est sorti chez Gamekult, et moi je suis arrivé chez eux en 2014. J'aurais dit 2015. Ouais, 2014, okay, ou début 2015, Evolve est sorti. Et ouais, clairement, le modèle économique, ça a vraiment été un boulet qui se sont traînés et qu'ils n'ont pas réussi en fait à convertir. Ouais, ils n'ont pas réussi à se relever, hein, vraiment. Mm-hmm. Le jeu, je me souviens, 3 mois après, il y avait des photos 2 € à Carrefour ou je sais pas quoi. Ouais, le truc quand même qui est important, parce que même tu dis, on est habitué à douiller aujourd'hui, même ça, parce que là on parle de gameplay en fait. Ouais. C'est pas que de la cosmétique. Aujourd'hui, maintenant, voilà, il y a beaucoup de cosmétiques. En fait, aujourd'hui, on sait que ça, faut pas le faire, parce que c'est vraiment trop, ça passe pas. Ça fait partie des trucs qui passent pas. Parce que moi, j'y avais joué, mais il y avait un week-end gratuit, machin, et j'avais joué 2-3 jours, parce que j'étais curieux, et tu dis, ah oui, on a accès à ce monstre. Et à un moment, tu vois, t'as quelqu'un qui va jouer un autre monstre, et tu dis, ah oui, mais en fait, je ne connais pas le gameplay de ce monstre, je sais pas comment jouer contre lui en tant que survivant, je sais pas ce qu'il fait. Et parce que le meilleur moyen d'apprendre ce qu'il fait, c'est de le jouer, tu vois, c'est de jouer ce monstre pour connaître un peu les tactiques, avoir sa perspective et tout. Sauf qu'il faudrait que je paye pour le jouer, tu vois, et pour apprendre à jouer contre lui. Tu dis, non, ça coûte 60 balles, enfin, c'est hors de question, en fait, non. Mais ça marchait quand même, toi, t'avais trouvé ça bien. J'avais pas accroché plus que ça, en vrai, mais ce qui m'avait, pas empêché, mais ce qui m'a repoussé, qui m'a repoussé du jeu, où je me suis dit, non, je vais pas creuser plus que ça. En fait, j'ai pas cherché à creuser énormément parce que je savais qu'il y avait du gameplay derrière encore plus de paiement. Donc j'ai dit, c'est mort. Le jeu, j'ai joué, je sais pas, j'ai dû peut-être y jouer 5 heures, un truc comme ça. J'ai trouvé sympa, j'ai pas trouvé incroyable. Il y a un truc qui cliquait pas forcément, l'équilibre était délicat. Après, quand t'apprends à jouer, c'est compliqué puisque, comme tu dis, c'est asymétrique. Au début, en fait, le monstre, il est pas assez fort pour se battre contre les survivants. Il doit bouffer des monstres, choper de l'énergie ou quoi, et il devient de plus en plus fort. J'ai eu du mal un peu à mettre le doigt sur le bon équilibre. Ce qui est rigolo, c'est qu'entre les deux, tu sais, entre Left 4 Dead et Evolve, il y a un petit truc qui s'appelle League of Legends qui est sorti. Et mine de rien, la logique des MOBA a vraiment, je pense, tu sais, un peu infusé dans Evolve. Parce que justement, moi, je me souviens que des phases de gameplay d'Evolve, j'avais l'impression de jouer à un juggler, tu vois, où vraiment, tu dois d'abord tuer des petits monstres, gagner des niveaux, gagner de l'XP avant de pouvoir aller à la bidoche, quoi. Et surtout est-ce qu'il y avait un mode où on pouvait commencer genre jouer contre le monstre qui est contrôlé par une IA, ou c'était que du compétitif? Je sais plus, honnêtement. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu qui a vraiment été tellement éphémère que j'ai pas tant de souvenirs que ça. Parce que tu vois, sur Left 4 Dead, je me dis, t'avais déjà le temps d'apprendre en fait, de faire la campagne un peu en coop, et ensuite tu contrôlais les monstres, et là tu pour te dire, ce que je me souviens des vols, c'est que on reçoit nos clés, tu vois, à Gamekult, donc tout le monde est en train de l'installer sur son PC machin, on lance le jeu et ça marche pas. Parce que déjà, pendant quelques jours, il y a eu le souci qu'ont beaucoup de jeux quand ils sortent en ligne. Déjà, il y a ces problèmes-là. Donc déjà, ça casse forcément beaucoup la dynamique du truc. Et avant qu'on puisse enfin y jouer, etc., il s'est passé pas mal de temps. Ce truc d'évolution, c'est un peu bizarre quand même, qu'il y ait une phase de jeu où... En fait, c'est intéressant parce qu'au début, c'est en fait les survivants ont l'avantage. C'est parce que justement, ils doivent pister le monstre. Donc non, en vrai, c'est pas inintéressant. Parce que pour le dire rapidement, donc t'as 4 survivants avec un gameplay différent, du déplacement différent, machin. Ils doivent pister donc l'ennemi. Tu peux trouver des cadavres qu'il a bouffé, il a peut-être, je sais plus, mais peut-être fait s'envoler des oiseaux ou quoi, et t'as des pouvoirs pour te permettre de mieux le trouver, mieux le pister dans une zone assez ouverte finalement. Et lui, il doit se cacher, c'est-à-dire que lui, il doit évoluer justement pendant ce temps, pendant qu'il est vulnérable. Et à la fin, il y a un moment où il devient suffisamment fort pour pouvoir, je crois, il doit péter des générateurs ou quoi. Et du coup, là, ça s'inverse en fait, c'est que les survivants doivent plus vraiment le pister, mais doivent défendre le générateur. Mais le monstre est devenu fort, tu vois. Donc il y a un côté quand même où la tendance ça s'inverse. Donc il y avait quand même des choses intéressantes, mais comme tu l'as dit, c'est que en solo, bah je crois pas que ce soit jouable. Left 4 Dead, au moins, bah t'as des lieux, t'as, comme dit, il y a l'IA qui gère tout, il y a des moments marquants dans Left 4 Dead et tu peux y jouer avec des bots. Ça reste quand même, forcément tu pousses pas le jeu à fond, mais tu peux y jouer avec 3 bots et en solo contre l'IA. C'est pas un mauvais jeu, tu vois, vraiment, tu passes quand même un bon moment, alors tu vas peut-être pas le recommencer, mais c'est pas un mauvais jeu. Là, Evolve, bah, comme on l'a dit, c'est que multi, le gameplay, bon, c'est faut payer, quoi, faut payer pour tout avoir, enfin, bref. Mais bon, bah, du coup, comme c'est un jeu qui a vraiment été, voilà, une étoile filante, on n'aura jamais l'occasion d'en parler dans l'émission, on voulait quand même lui accorder son petit segment. Le fait est que ils n'ont pas non plus mis la clé sous la porte à ce moment-là. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retravaillé sur un nouveau jeu qui s'appelle Back 4 Blood. Alors ça, c'est bien après. Hein. Ils ont vraiment quand même ils ont connu évidemment. Forcément, ça a été compliqué après Evolve. Ils ont voulu faire un Evolve version améliorée, je sais pas quoi. Ouais, slash free to play, bizarroïde. Essayer de relancer le truc, ça n'a vraiment pas pris du tout. Oui, c'est vrai. Ils ont essayé. Des jeux qui se sont plantés. Il faut le dire. Hein. C'est vraiment c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est pas que c'est intéressant, c'est que ça permet de relativiser le côté succès des jeux, c'est de se dire, mais tous ces jeux à l'époque, tu sais, après Overwatch, il y a eu tous les hero shooters, les Battleborn, les machins, il y en a eu tellement qui se sont lancés et qui se sont cassés la gueule instantanément. Et de voir que eux, ben, ce qu'ils ont fait pour remonter la pente, c'est au bout d'un moment, ils se sont dit, ben, on revient avec du Left 4 Dead. Parce que, bah, évidemment, le nom, bah, parce que c'est Valve qui Et puis la malédiction Valve fait qu'ils ne peuvent pas utiliser le chiffre 3. Ils peuvent pas. Ils peuvent même pas le dire. Tu vois, même moi, là, ça se trouve, ils m'ont payé. Non, mais ils peuvent pas, voilà, faire un Left 4 Dead 3. Hein, ça casserait trop de mythes d'un coup. Et donc, ils arrivent avec Back 4 Blood, qui est globalement Left 4 Dead, mais version 2021. Ah oui, mais d'ailleurs, même dans le titre, hein, Back 4, c'est le 4, Left 4 Dead. Enfin, de toute façon, c'est complètement assumé. C'est le même studio. Oui, oui. Enfin, voilà, c'est Left 4 Dead, sauf qu'on n'a plus le nom. C'est exactement ça. Et en vrai, ils ont raison, puisque c'est l'occasion de dire que des Left 4 Dead-like, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu. Il y a eu Vermintide, qui est assez connu, qui est probablement le plus réussi, le plus connu de tous. Moi, j'aime pas trop, parce que je trouve qu'il y a trop de corps à corps. Moi, j'aime bien. Mais je comprends qu'on aime bien, mais moi, le corps à corps, il y en a trop. Enfin, tu vois, juste des coups d'épée dans des hordes. C'est marrant 2 secondes, mais voilà. Tu me préfères faire pou-pou-pou-pou. Il a du skill. Moi, j'ai pas de skill. Donc, tu me donnes un gros marteau. Je tabasse des scaven. Moi, ça me suffit. Ouais, hein. Mais voilà. Mais à part Vermintide, moi, je peux pas citer de jeu qui a fait comme l'effort. Doit y en avoir. Hein, mais Là, tout de suite, tu vois, froid, j'ai pas effectivement des jeux qui reprennent forcément beaucoup ce truc-là. Et des gros succès comme ça, de toute façon, il y en a pas eu. Non, voilà. C'est pas pour rien d'ailleurs que Back 4 Blood, tout le monde mettait beaucoup d'espoir dedans. Parce que justement, c'était le retour de Left 4 Dead. C'était un peu. Le marketing, alors eux ils ont surfé sur ça, pas de manière trop évidente parce que ils risquaient forcément de se mettre Valvado, mais bon voilà, on sentait bien que c'était un peu le côté le comeback. Souvenez-vous de ce jeu que vous adoriez il y a 10 ans, et il revient encore plus fort, encore plus beau, avec du loot. il revient du coup un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire il y a des gens qui ont aimé, qui trouvent que c'est un Left 4 Dead 3, c'est un successeur, un digne successeur, mais c'est pas le consensus. Il y a quand même, moi j'ai fait, donc il y a 4 acte, je crois. J'ai fait que le premier, ça devient peut-être bien à la 7e saison, je sais pas. mais en tout cas, comme tu l'as dit, il y a du loot, il y a une grosse surcouche RPG en fait. Il y a vraiment tout un système de cartes parce que tu te fais un deck évidemment à chaque fin de checkpoint, parce que tu as, je sais pas, entre 5 et 10 checkpoints, je crois, par acte. À la fin, tu tires une carte et tu peux trouver des cartes d'ailleurs dans le jeu qui te donnent des bonus à base de 10% de ceci, 5% de cela. Voilà, c'est passionnant. et tu trouves, j'adore quand tu parles de vidéos. Je m'en lasse pas. Vraiment, je m'en lasse pas. C'est génial. On dit que c'est moi qui aime pas le jeu vidéo, mais en vrai, parfois, tu mets une petite pièce dans Maxime. Ah, il est incroyable. Mais tu trouves des meilleures cartes en fait à mesure que tu progresses dans le jeu. Est-ce qu'elles sont violettes? Mais alors non, mais les armes et les accessoires, armes, par contre, des couleurs. Ah, s'il vous plaît. Et comme c'est très bien fait, attardons-nous, on parle de pièces. Parlons-en des accessoires. Tu peux avoir une arme. En fait, t'as des armes, donc évidemment vert, bleu, violet, machin. Tu peux avoir une arme, on va dire verte, et tu trouves une arme bleue. Tu te dis cool, je vais prendre l'arme bleue. En fait, pas forcément, puisque ton arme verte, peut-être qu'elle a des accessoires violets. Et comme le jeu est très bien fait, les accessoires, tu les as mis à super glue. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre les accessoires. Ça ne se défait pas, Maxime. Et non. Et donc parfois, tu dis oui, j'ai une arme meilleure, mais les accessoires, je les abandonne, donc c'est pas fort. Du coup, toi, tu restes à faire des calculs parce que forcément, c'est pas que du dégât, du machin, c'est aussi de la distance. Est-ce que ça tire plus loin? Est-ce que c'est machin? Et toi, donc, tu restes planté pendant 2 minutes à dire. Et ça, ça casse complètement le rythme. C'est chiant. Enfin, je trouve que ça n'a rien à faire dans un jeu. On va revenir en détail qui était plus dans l'arcade, plus immédiat dans les tirs. Et là, tu commences à regarder, est-ce que je prends plutôt du 10% de dégâts, du 10% d'endurance en plus, ou du 10% de munitions en plus, ou du 5% de dégâts en plus? Sachant que, on peut aller un peu plus loin. Moi, j'ai joué un peu plus. Il y a aussi beaucoup de variations de gameplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer full corps à corps. Par exemple, il y a vraiment tout un tas de cartes qui sont pensées pour qu'on joue avec une matraque, une hache, ouais. une batte de baseball, on va récupérer de la vie à chaque fois qu'on tape. Enfin, d'accord, okay. On peut vraiment jouer avec différents types d'armes, etc. Tu fais un build en fait. Ouais, tu fais oui, un build, oui. mais c'est long. Tu vois, c'est vraiment, il y a un côté où tu le sens, et ça, dans l'équilibrage du jeu, c'est un truc que Max il a ressenti très vite. En fait, le mode facile est ultra simple, et le mode normal, ouais, et t'as un mode avancé où tu dis, bon bah moi j'ai déjà joué à des jeux vidéo, je sais le faire, tu vois, c'est un vrai gamer comme Max, mais en fait là le jeu il est pensé non pas pour une certaine quantité de skill, donc le, mais pour ton talent, mais pour les stats. Ah. Et ça, voilà, c'est le fameux, c'est le back, c'est le bah qui blesse, comment c'est quoi cette expression, c'est le... Moi, je voulais une expression de vieux, j'ai pas réussi à la sortir. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse, exactement, merci. Bah, moi j'ai joué avec trois potes et qui ont une expérience compétitive aussi, tu vois, on joue à des FPS et tout, donc le niveau facile on lui roule dessus, le niveau de difficulté 2 sur 3 on s'est fait éclater et on a dit bah en fait c'est pas possible, on prend vraiment trop de dégâts, trop de trucs et tout, et parce qu'il faut farmer, du coup faudrait farmer, il faut débloquer, parce que les cartes vraiment vont débloquer des trucs, mais vous n'aimez pas le jeu vidéo vous, voilà, mais parce que attends, c'est à dire qu'à la fin de chaque acte tu débloques évidemment une monnaie virtuelle avec laquelle tu pourras acheter des meilleures cartes, donc te faire un deck plus intéressant que le deck de base, parce que vraiment en fait tu tournes en boucle, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes cartes que tu peux piocher à la fin. D'accord, comme j'ai dit, t'as toujours en fait à la fin t'auras toujours le choix entre soit plus 10% d'endurance, 5% de dégâts, machin. Et en fait, après, quand tu finis les actes et que t'as de l'argent, tu peux acheter des meilleures cartes que tu pourras piocher à chaque fin de checkpoint, donc des bonnes cartes. Mais en l'état, si tu n'as pas acheté ces cartes, que tu ne peux acheter que si tu finis en facile avec suffisamment d'argent et tout, le mode moyen est vraiment très dur, en fait. Donc, bon, il y a un déséquilibre total. D'ailleurs, ils ont annoncé, là, ils vont patcher. Ils ont dit, bon, ça fait quoi ? Ça fait un mois que le jeu est sorti, un peu plus d'un mois. Maintenant, oui. Ouais, ouais. Ça fait un bon mois. Et là, ils ont dit, ah, au fait, on s'est rendu compte que le jeu était trop dur. Bah ouais, a priori c'était dans tous les retours qui ont été faits quand même que l'équilibrage était compliqué. Peut-être qu'eux avaient cette volonté en se disant les gens voudront farmer, voudront le faire, sauf que bah en fait, je sais pas, moi et mon groupe c'était trop facile et on n'a pas pris énormément de plaisir. Et en plus de ça, c'est l'autre souci, c'est que je trouve qu'il a quasiment pas de moment marquant de tout l'acte 1 qui nous a pris quand même, c'est assez long, hein, c'est beaucoup plus long que le premier, ça nous a pris 3-4 heures, là où d'accord. ça prenait une heure et demie, tu vois, pour faire un chapitre complet. Bah en fait, j'ai trouvé deux moments marquants, et c'est à peu près tout, et je trouve qu'en termes voilà, de narration, en tout cas de par le level design, c'est aussi de la soupe de trottoir, hein, j'ai trouvé que c'est beaucoup des rues, des trucs... La soupe de trottoir ouais. C'est un peu toujours les mêmes environnements, alors j'exagère un peu en vrai, mais c'est l'impression que j'ai eue. Bon voilà, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un sous Left 4 Dead, et vraiment, moi je dis en 2021, si vous avez le choix entre Left 4 Dead et Back 4 Blood, jouez à Left 4 Dead. Voilà, ouais, qui reste encore très intéressant, et justement c'est là-dessus qu'on voulait un peu conclure un peu cet épisode, c'est que ce qui est intéressant avec Left 4 Dead, on l'a dit tout du long avec cette histoire de directeur, c'est qu'il y a un côté adaptatif qui va se perdre en fait avec un jeu plus moderne, où le côté adaptatif va être remplacé en fait par des trucs très artificiels, d'XP, de couches, de machin, de bidule. Et donc, pour les gens comme Max qui sont déjà à un certain niveau, le jeu n'est pas capable de s'adapter et de procurer ce petit feeling de danger qu'on cherche justement dans ce genre de jeu. Alors, j'imagine quand même qu'ils ont repris l'idée des hordes désinfectées qui spawnent, qui sont gérées par une IA. Je pense quand même qu'il y a ça. Et en vrai, il y a des trucs intéressants. Il y a un système... en fait, t'as des cartes malus qui arrivent parfois à la fin d'un checkpoint. Il y en a une qui rajoute du brouillard, tu vois. Sur le coup, tu dis, ouais, ça fera pas une grosse diff. Et en fait, si, parce que ça fait un peu comme le boomer, c'est-à-dire que t'as un perso qui peut kidnapper un survivant, genre il en prend, il le chope un peu sur son dos, j'exagère, et il se barre. Et en fait, avec le brouillard, tu les perds très vite de vue, et du coup, ça crée une dynamique qui est pas inintéressante. Mais comme dit, le jeu, voilà, nous, au niveau auquel on jouait, c'était trop facile, et les nouveaux infectés spéciaux sont moins intéressants que ceux de Left 4 Dead, je trouve. Et en fait, c'est ça qu'on s'est dit, c'est que finalement, un jeu qui a une simplicité dans la prise en main, c'est très immédiat, en fait, Left 4 Dead, on nous balance direct comme ça, et il n'y a pas de question de j'ai des cartes, des stats, des machins et tout, on se pose pas tous ces trucs là alors qu'aujourd'hui dans le jeu multimoderne c'est le passage obligé en fait, parce qu'on réfléchit en mode et les season pass et les trucs et tout, et qu'on n'avait pas ça à l'époque, et du coup on fait plus des jeux vraiment simples comme ça. Alors je dirais pas qu'on l'en fait plus, mais c'est vrai que pour des jeux avec un certain budget, c'est compliqué de convaincre les éditeurs, les trucs comme ça, de ne pas avoir ces surcouches là parce qu'aujourd'hui on est dans une logique de jeu service, on est dans une logique de rétention, et donc en fait il faut créer de l'engagement et faire en sorte que les gens jouent longtemps au jeu pour qu'ils puissent acheter des battle pass, des season pass, des microtransactions, etc. Des game pass, voilà, enfin des trucs pass, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et justement, ce côté immédiat, c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez compliqué, mais qu'on va retrouver dans certains jeux. Je veux dire, le succès de Chivalry, le succès de Deep Rock Galactic, enfin, il y a plein de jeux comme ça qui ont un certain succès côté un peu indé, mm-hmm. parce que justement ils arrivent à garder cette relative simplicité où plus tard la complexité va arriver. Mais c'est vrai, quand on lance Back 4 Blood, c'est le business model, c'est direct, c'est... ça nous arrive dans la tronche, quoi. T'as un tuto qui t'explique un petit peu des trucs, qui te permet de comprendre un peu ce qui se passe dans le jeu, puis tu dis bah c'est Left 4 Dead, enfin tu vois, je connais. Et là d'un coup t'as 43 menus qui arrivent et t'es là tu sais en fait à quoi t'attendre, tu vois. En fait c'est assez dramatique, parce que c'est le côté bonne pratique entre guillemets, la recette de la rétention. On fait quoi, on va faire du loot, on va faire des accessoires aussi plus ou moins bons, on va faire les cartes, on va faire de l'XP, on va faire beaucoup de cosmétiques, tu vois, dans Back 4 Blood tu peux leur changer des looks aussi, tu peux leur trouver des chapeaux, des machins, il y a de l'argent virtuel. On va te forcer un petit peu, si tu veux jouer au niveau de difficulté supplémentaire, on va te forcer à jouer au moins une fois en facile. Et en fait c'est que là où c'est compliqué, là où il y a un challenge que Left 4 Dead, je trouve, moi, réussit brillamment, c'est-à-dire que avec ses mécaniques simples, justement, la variété doit venir de tout le reste. Elle doit venir du level design, elle doit venir de la mise en situation, elle doit venir des infectés. C'est-à-dire que la tâche, elle incombe pas aux survivants avec son deck building, son machin. Elle incombe vraiment au créateur du jeu, au dev. Et donc, ça vient de tout ce qui est autour de toi. En fait, toi, c'est bon, t'as tes armes. Les armes sont relativement simples. Dans Left 4 Dead 1, c'est super simple. Il y a très peu d'armes différentes. T'as un peu les armes de niveau 1, entre guillemets, et les armes de niveau 2, qui sont les mêmes en meilleur. Hein. Si tu passes du Uzi au M16, t'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. C'est très simple, mais du coup, comme on l'a dit, c'est tout ce qui est autour de toi qui va créer la dynamique, qui va créer l'intérêt. Et là où c'est dramatique, comme je le disais, c'est que Back 4 Blood, moi j'ai trouvé, il y a un ou deux moments que j'ai trouvé marquants, intéressants, mais d'un point de vue level design et compagnie, il n'y avait pas le truc qui rendait Left 4 Dead intéressant, quoi. Et donc voilà, malheureusement, pour Turtle Rock, ce sera peut-être encore un peu compliqué. Non, a priori, en fait, le problème, c'est que déjà là, on n'a pas les ventes parce que c'est Game Pass, donc maintenant c'est 6 millions de joueurs, mais tu fais... Ok, très bien. Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que le jeu va pouvoir prendre sa place? Je sais pas, sur Twitch, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent? Je sais pas. Déjà, ils adoptent un peu une stratégie de jeu service. C'est pas forcément monétisé, mais ils vont patcher, ils vont ajouter du contenu. Oui, puis de toute façon, on peut très. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement rompu à cet exercice-là que, il y aura une saison. Tu vois, il va y avoir des trucs à thème pendant 3 mois, il va y avoir du Back 4 Blood. Ça se trouve, dans 5 ans, ce sera grave bien, tu vois. On sait pas. Ça se trouve, il y aura beaucoup de gens qui y jouent parce qu'ils auront réussi à trouver leur équilibre, tu vois. Il y a un certain nombre de jeux dont on parle pas forcément, tu vois, je pensais à des Hunt Showdown qui ont aussi un peu comme ça des gameplay un peu asymétriques. Enfin, il y a des jeux comme ça qui fonctionnent bien en multi, dont on entend peu parler et qui s'enrichissent petit à petit. Donc évidemment qu'on leur souhaite que ça réussisse. Le but là, c'est pas de dire on veut que Turtle Rock se plante et qu'il refasse un Left 4 Dead. On n'est pas en mode c'était mieux avant, c'est juste de montrer que c'était mieux avant. Ouais, non, là en l'occurrence c'était mieux avant, mais je veux dire justement cette simplicité, est-ce qu'ils vont pas s'en rendre compte, est-ce qu'ils vont essayer de revenir sur un truc peut-être plus simple et juste mettre de la et pas refaire l'erreur qu'ils ont fait avec Evolve, tu vois. Après et sans forcément dire oui maintenant on fait ça, Left 4 Dead a déjà rajouté du contenu à l'époque, hein. Il y avait des extensions, Par contre il avait rien touché au gameplay, c'est à dire parce que toute la formule était là, alors que là Back 4 Blood, le truc des cartes il est quand même au centre quand même de l'expérience. Et là tu peux pas l'enlever, c'était du contenu comme on considérait à l'ancienne, c'est à dire c'est un nouvel espace de jeu dans lequel tu peux découvrir des choses, pas genre vous avez des nouvelles armes qui sont roses maintenant avec des petites gris que vous pouvez accrocher. Et le souci, c'est que c'est des stats que je trouve très inconséquentes. C'est-à-dire que, comme dit, c'est à base de 10% de ci, 5% de ça. En fait, en termes de gameplay, tu le ressens quasiment pas. Alors, si tu les accumules, j'imagine que tu peux te faire des builds où là, t'es super endurant, super. Mais par rapport à tu débloques tel pouvoir ou tu débloques telle capacité, où là, t'as un vrai changement dans le gameplay, où ça change vraiment ta façon de jouer. Alors, le coup du corps à corps, c'est intéressant, en vrai, si c'est bien fait, mais moi, je l'ai pas senti. T'as quand même un changement où tes coups de corps à corps, tu mets des coups de couteau. Bon, effectivement, ça change un peu la dynamique. Mais oui, si tu fais 5 games et t'as pris du 10% d'endurance, 10% de munitions, pour un jeu comme ça que j'aimais bien en immédiat en arcade, je trouve ça inintéressant et je trouve que c'est du temps passé à rien. C'est ça, en fait, c'est qu'on doit passer du temps avant peut-être d'arriver à un certain stade où on maîtrise le truc. Et le jeu nous attire pas forcément et nous donne pas envie d'investir ce temps-là. Et puis parfois, t'as ce qu'on appelle le phénomène d'over-justification, qu'on dit dans les systèmes de récompenses, c'est-à-dire que si tu rajoutes trop de récompenses par rapport à quelque chose qui était plaisant de base, en fait, tu vas dévaluer le plaisir intrinsèque du jeu. Et là, c'est vrai que si tu voulais juste t'amuser avec tes potes et tout, revivre un peu le Left 4 Dead et tu te dis en fait, il y a plein de cartes, il y a plein de machins, attends, j'étais pas prêt pour ça, forcément, ça crée une expérience qui est différente, qui correspond peut-être plus à la vision qu'on peut avoir des jeux multi triple A actuels en 2021. Et après, bon, c'est pas une review de Back 4 Blood, mais ce qui est intéressant, ce que ça dit sur Left 4 Dead, comme on l'a déjà évoqué, hein, c'est qu'en fait, tu te rends compte que la simplicité, c'était aussi un ingrédient en fait du succès de Left 4 Dead, la prise en main immédiate. C'est ça qui était assez fort et qu'on vient même à regretter aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, Back 4 Blood, il a son petit système de ping. Là, c'est super, c'est très bien. Tu dis là-bas, il y a un infecté, il y a un boomer, tout le monde le voit. Ça, c'est un apport qui est super et qui aujourd'hui, on n'envisagerait pas Left 4 Dead sans ça. Tu vois, maintenant, si on devait en faire un, mais comme dit, c'est le côté immédiat, en fait, c'était hyper plaisant dans Left 4 Dead. Et ça, on l'a bien vu, je veux dire. Enfin, le succès récent, les Among Us, Fall Guys, tu vois, c'est des jeux qui sont très simples à prendre en main, qui proposent une expérience multi assez basique, il n'y a pas de trucs très compliqués, tout le monde peut y jouer, il y a quelques petits bidules à côté, il y a eu des microtransactions, il faut le gazer, etc. Mais je veux dire, on retrouve ce côté plaisir immédiat. Et je pense que dans une époque où il y a autant de jeux qui sont en compétition les uns avec les autres, partir du principe que les gens vont accepter de passer 20, 30, 40 heures avant de commencer à vraiment se sentir puissant, etc., c'est quand même un peu osé de la part des devs. Et clairement, je pense que ce côté simplicité, on va peut-être y revenir par la force des choses. Et surtout, comme on l'a dit, en fait, le simple fait que ce soit multi, et si tu arrives à créer des choses un peu aléatoires, des bons scénarios, en fait, t'as pas besoin d'une bonne rétention si tu arrives à donner envie de rejouer ou juste de vraiment marquer les esprits avec des moments. Mais marquants. Je pense que justement, ils devaient avoir peur de ça. Peut-être de se dire, est-ce qu'en 2021, est-ce que c'est les mêmes joueurs que justement il y a 10 ans, est-ce qu'ils ont le même... On a été éduqués différemment depuis 10 ans à s'engager dans les jeux multi. Je pense que c'est ce qui a fait partie de la réflexion. Ça devait être terrifiant. Moi, je m'imagine parfaitement les devs en train d'être tout complètement terrorisés à l'idée de se dire, mais imagine, ils aiment bien le jeu, ils y jouent une fois et c'est tout. Parce que, enfin, tu vois, Left 4 Dead, à la fin du niveau, il n'y a pas une petite jauge qui se remplit. Non, rien du tout. Non. Ça, pour moi, c'est... Tu recommences parce que c'est fun. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, enfin, j'en connais pas des jeux multi où il n'y a pas une petite jauge qui se remplit à la fin qui te dit, bravo, t'as débloqué un truc. C'est la base, tu vois, aujourd'hui. Donc, c'est sûr, je pense qu'ils ont dû réfléchir autrement et voilà, faire un Left 4 Dead qui est un peu différent. Est-ce que c'était pour le mieux? Je ne sais pas. Non. Je crois qu'on a fait le tour pour ce premier épisode qui était vraiment consacré à un jeu multi, voilà, fin du game et partout le paysage vidéoludique qui s'étend comme ça, on fouille partout. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de ce jeu, même si bien sûr on pouvait pas aller dans toutes les strates de profondeur pour faire honneur aux 1500 pour Carrie, mine de rien, pour nous parler de toute son expérience. Hein. Bah, c'est vrai que pour nous c'est pas si évident parce que tu vois, on a dû essayer du coup pour le planning d'essayer de se caler des sessions de jeu et en fait, bon là, la fin d'année a été un petit peu chargée, c'était pas facile de se régler, donc voilà, c'était pas c'est moins évident que voilà, se dire bon ok, il est 15h, il y a personne, je m'en fous, je joue à mon jeu, c'est un peu plus compliqué, mais bref, voilà, on espère que vous aurez appris des choses. Moi j'ai appris plein de trucs aussi, ce AI Director, là, ça c'est vraiment un truc super intéressant, et qui d'ailleurs, hein, aujourd'hui, dans les open world qui vont calculer quand sont les ennemis qui apparaissent, les Far Cry, ils font exactement ça, pour calculer quand les animaux apparaissent, des trucs comme ça, c'est aussi des systèmes en fait qui monitorisent comment tu fonctionnes. Voilà, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, ça c'est possible, le petit site, le lien est dans la description, une carte bleue, un compte PayPal. C'est très simple, vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Discord, ça c'est évidemment super important. On est plus de 6000 maintenant. Bon, hein. Ça y est. Mais si, moi j'aime bien, ça pète un peu quoi. Non mais il y a vraiment beaucoup de gens, l'ambiance est cool, ça se passe bien. Moi je suis vraiment très content de cette histoire de Discord et de club de lecture, ce concept de dire on vous annonce 4 jeux à l'avance, prenez le temps d'y jouer, vous en parlez entre vous. Je trouve que ça crée une dynamique qui est assez intéressante et voilà, merci beaucoup les gens parce que moi j'y passe énormément de temps au quotidien dans ce Discord. C'est vrai, toujours là à zioter ce qui se passe parce que c'est cool quoi, donc vraiment voilà, je voulais dire merci aux gens. De toute façon, si ça se passe pas bien, nous aussi on a un directeur. On a c'est un marteau possible. Hein, on fait beaucoup voilà. Exactement. Suivez aussi nous sur Twitter et sur Discord justement, hein, pour ce live qu'on va faire en fin décembre. Bon, de toute façon je reparlerai dans les autres, au moins le prochain épisode. Et puis vous pouvez retrouver donc le livre de Marine chez Third, donc le livre sur le concept art du jeu vidéo français, voilà, un gros bouquin qui est à la fois plein de belles images mais aussi des textes, Marine qui vous explique tout ça, toute la démarche en fait créative qui est derrière le concept art. C'est un truc capital dans la création de jeux vidéo. Et si jamais vous voulez avoir une petite idée du truc, vous pouvez aussi la suivre sur Twitter, elle a une chaîne YouTube, donc Marine Mac Pixel Life Stories il me semble, hein. Oui, elle a son site, ouais, c'est ça, c'est Marine Mac MACQ je crois. Oui, exactement, voilà. Exactement, voilà, merci messieurs, et puis on se retrouve dans 2 semaines. C'est quoi dans 2 semaines? C'est... Ah bah on parlait d'infectés spéciaux. Ah c'est les Pokémon. Ah, ça y est, mais oui, c'est ça. Ça y est, on y est. Là, vivement, là, je suis content. À dans 2 semaines. Ah, vous dites pas salut. Ah, mais c'est vrai. Non, mais t'étais tellement. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ah, ouais. Ouais. Tu peux rajouter un ciao. Est-ce que tu veux rajouter un ciao? Bah, on peut faire un ciao et toi, tu le rajouteras. Ciao. Ciao.